avant, l'info en avance sur son temps, c'est avec Cédric Lecor. Je trouvais que cette formulation était plutôt jolie, du coup, je me suis permis de la faire. Voilà. Bonjour à tous. Soleil et chaleur toujours au programme ce mardi sur tout le pays, mais ça ne va pas durer. Des orages sont prévus ce soir de la Bretagne au sud-ouest. Le mercure restera élevé. 29 degrés attendus à Caen et Marseille, 30 à Besançon, 33 à Angoulême et Paris. Et ça va nettement baisser demain. Il aura fallu 6 heures aux forces de l'ordre pour reprendre le contrôle total de la prison, le centre pénitentiaire de Vivonne, près de Poitiers. Théâtre d'une mutinerie hier soir après avoir subtilisé le trousseau de clés d'un gardien. Des détenus ont déclenché plusieurs départs de feu faisant 11 blessés légers. C'est un refus de permission de sortie d'un prisonnier qui aurait déclenché la mutinerie. Le parquet de Villefranche-sur-Saône exclut tout mobile terroriste ou raciste. Un lycéen de 15 ans a poignardé l'une de ses camarades à la sortie des cours hier au lycée Louis Armand à Glaise dans le Rhône. Âgée aussi de 15 ans, la jeune femme qui a reçu plusieurs coups de couteau était dans un état critique hier soir. Les trois femmes soupçonnées d'avoir voulu commettre un attentat en France ont été mises en examen écroué hier à Paris. Âgées de 19, 23 et 39 ans, elles avaient été interpellées jeudi dans l'Essonne, quelques jours après la découverte d'une voiture chargée de bonbonnes de gaz près de la cathédrale Notre-Dame. Plusieurs centaines de manifestants rassemblés hier devant la mairie de Belfort pour s'opposer à la fermeture de l'usine Alstom. Un dossier brûlant qui a atterri à l'Elysée hier matin. Réunion de crise autour de François Hollande. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de se mobiliser pour qu'il y ait plus de commandes. L'État s'est déjà engagé à acheter 30 nouveaux trains intercités. 400 emplois sont en jeu. Facebook, un remède anti-cafarant, croire une étude américaine. Après avoir interrogé près de 2000 utilisateurs du réseau social de 91 pays, les chercheurs d'une université de Pittsburgh en sont arrivés à la conclusion que les likes et les commentaires positifs sur Facebook sont synonymes de bien-être. Un bonheur comparable à un mariage ou une naissance si l'on dépasse les 60 commentaires positifs en un mois. C'est le titre qui manque au PSG et c'est l'objectif de ses dirigeants, le trophée de la Ligue des Champions. Début de la compétition, ce soir, les Parisiens reçoivent les Anglais d'Arsenal à 20h45 au Parc des Princes. Les hommes d'Unai Emery ne brillent pas sur le terrain, pour l'instant 7e de la Ligue 1, avec une défaite et un nul au compteur. Autres clubs français en lice, Lyon et Monaco qui joueront demain. Et puis 3 nouvelles médailles pour la France hier aux Jeux Paralympiques de Rio et pas des moindres. De l'or pour Amélie Le Fur sur 400 mètres, qui avait déjà obtenu le titre suprême vendredi à la longueur. Et puis de l'argent pour 2 autres Françaises en haltérophilie et en tennis de table. Très bon aveil, Camille Combal, Laure, Pauline et Clément débarquent sur Virgin Radio. C'est Virgin Tonic jusqu'à 9h. Bonjour à tous, et oui, je suis Aurélie de Toulouse, nous sommes le mardi 13 septembre, ici il y a le soleil toute l'année, et c'est pourquoi aujourd'hui je déclare cette émission officiellement ouverte, et bonjour la France. Bonjour. Tu m'as fait peur sur le mot émission, ouais. C'est pourquoi je déclare cette traînerie ouverte jusqu'à 9h. Aurélie, sois la bienvenue ma chérie, merci d'ouvrir les yeux avec nous, ça va ma belle? Oui, ça va et toi? Et bonjour l'équipe. Salut. Moi aussi. Salut. Bonjour l'équipe. Salut. Comment qu'ils vont? Ça va bien. Comment qu'ils vont ceux-là? Ils vont bien. Encore une sacrée bande de doudingues. Ce matin, Aurélie, tu viens d'où? Tu m'as dit peut-être. Et de Toulouse, mais il y a le soleil. Oui. Ce matin. Toulouse, c'est une belle ville. Ah, Toulouse. La ville rose. Ah, la ville rose. La ville de Nougaro et de Ginger. Ouais. Bien sûr. Oui, ma Ginger qui est là sur les réseaux sociaux. 36 degrés à Toulouse hier, tu te rends compte ou pas? C'est beau. Hein. Oui. Et oui. C'est la classe. 36 degrés, mais ça veut dire quoi les amis? Vous qui m'écoutez, alors vous allez dire que je vois toujours le verre à moitié vide, hein? Bien sûr. Eh bien sachez que ça veut dire un truc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'orages dans la semaine. Ah c'est oui. J'ai écouté la météo, moi c'était dimanche soir, météo de Gilles Boulot. Déjà il faut qu'il arrête les costards qui brillent. Ça, ils brillent trop ces costards. Je te dis mon Gilou, je t'aime bien sur TF1, mais les costards ils brillent trop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit que la chaleur, c'est bien. Ah, il fait 35, on va avoir 2-3 beaux jours. Aujourd'hui encore, il fait beau dans la majeure partie de la France. Sauf que quand le froid il va arriver, le chaud il sera resté dans le nord. Et le froid il va arriver de l'Espagne, il a dit. Hein. Ouais. Voilà, les masses d'air vont se confronter. Bim et bim. Énorme orage. Clermont-Ferrand, vous allez prendre cher. Ah. Mais oui, au milieu de la France, au fur et à mesure, ça va remonter. Donc ne croyez pas qu'il va faire beau tout le temps. Hein. Eh oui, après la pluie, il vient là. Tempête. Eh ben voilà. Oui, c'est pas faux. L'expression ne marche pas là. Bon, il y a Clément, il y a Nico du Bureau, il y a Ginger, il y a aussi ma Pauline au standard. Oui, ça coucou. Va, Popo? Ben ouais, je trouve que tu ferais une bonne Miss Météo, tiens. Moi aussi. Ah ouais, ouais, je te vois bien. Franchement, attends. La minimale est à Aurillac. La minimale est toujours à Aurillac. Je sais pas pourquoi. Il doit faire très froid chez vous, cher Aurillacais. Oui, Laure. Et le pourtour méditerranéen, on y pense? On y pense, bien sûr. On y pense, j'ai dit giboulet de printemps. Ah oui, Clément. Il y a un test d'entrée pour être Miss Météo. Faut répondre à une question. Où est le Cotentin? Ah ben oui, je sais. Tu sais ou pas? Le Cotentin, non, je suis alors, franchement, je m'excuse par avance. Je sais, ma vraie lacune, Laure et moi, on a deux vraies, une vraie lacune, c'est la géographie. Tout ça, je sais pas du tout. Eh ben, pour être Miss Météo, il faut le savoir. Ah bon? Bah ouais, mais je sais d'où vient l'anticyclone des Açores. Ah non, ça va. Mon pote. Hein. Il vient d'où? Non, c'est une façon de parler. Des Açores. Bah, bien sûr. Oui, Nico du bureau. Et puis, il faut que tu finisses toutes tes phrases, comme tous les gens que tu croises en ce moment, avec ah bah, c'est l'été indien, quoi. Ah bon, et tout le monde dit ça en ce moment? Bah ouais, bien sûr, au mois de septembre, t'as vu la chaleur qui fait, c'est incroyable. C'est fou. Arrête, Ilor. Bah, c'est surtout hyper inquiétant, non? Ça vous inquiète pas qu'il n'y ait plus de saison? Bah, non, franchement. Franchement, ça va. De mon côté, ça va. Je suis assez OP là-dessus, hein. Je te jure, j'ai d'autres soucis que ça, hein. Je te cache pas. Hein. Oui, Pauline, au standard. Et bah, tu devrais penser à l'ours qui est sur un mini glacier, là, tout de suite, immédiatement. On va arrêter de parler de la météo. On va essayer d'avancer un peu. Vous avez fait quoi hier soir? Tiens, t'as fait quoi hier soir, ma petite Aurélie? Hier soir, j'ai regardé la télé. D'accord, voilà. Très bien. Bah, attends, bien. Et j'ai fait la même chose. J'ai profité de la piscine aussi. Parce ah bah ouais. Du coup, on a la piscine. Ah, ouais, oh, mais t'as la chance d'avoir une télé, quoi. D'accord. Quand t'habites, quand t'habites comme nous dans la partie nord de la France, hein, c'est vrai qu'entendre quelqu'un qui dit oh, hier soir j'ai fait un peu de piscine, c'est choquant pour moi. C'est énorme. Ouais, c'est vrai. Ça fait mal. Ça fait mal dans nos corps. Hein. T'as fait quoi, toi, Clément? Bah, déjà, j'ai regardé la télé pendant 2 heures, mais sans l'allumer. Tu vois, c'est mieux pour les yeux, ça m'a reposé. Je me suis rendu compte d'un truc, j'ai fait des shampoings et j'ai peur d'un truc. Plus ça va, plus quand je fais des shampoings, il y a des cheveux qui tombent. Ouais. Tu sais, quand tu te laves. Ah, tu perds les cheveux un peu? Ben, je sais pas. Moi ils sont épais, donc j'en ai beaucoup, je pense. Mais je commence à. Tu sais, il y en a 2-3 qui partent et ça commence à me faire flipper. Ben, tu sais à quoi tu sais? Non. Bah, tu calcules le temps. Au bout de combien de temps tu devrais racheter du shampoing? Si le temps il baisse, c'est que tu mets de plus en plus de shampoing. C'est que malheureusement, tu es en train de perdre tes cheveux. Non, mais ça te fait pas flipper de dire on vieillit? Ah ouais. Non, moi je le vis très très bien. Mais bon, je suis pareil, hein. On va commencer à perdre les cheveux, tout ça, ils deviennent blancs. Mais moi je le vis très très bien. Ah, moi aussi, mais là c'est mes premiers où j'ai trouvé des cheveux dans ma douche. Je suis bien dans mes basques avec la. Ouais. Enfin, dans mes mocassins à gland. Avec l'âge qui fait son chemin. Oui, Laure. Non, c'est pas signe que tu vieillis, c'est juste la saison en fait. Il faut faire une petite cure de Lego éléments, un truc comme ça. De Lego éléments, c'est des oligo éléments. Faut marcher sur des Lego. Ça fait vachement de bien. T'as fait quoi hier soir, Popo du standard? Moi j'étais avec ma meilleure amie. On a fait des petits tours en ville et surtout on s'est rendu compte qu'on était meilleurs amis parce qu'on finissait les phrases l'une de l'autre. Ah ouais, ça c'est le génial. Petit signe qu'on est meilleurs amis. Ouais. Oh, on est meilleurs amis. On est amis aussi. Mais c'est fou. C'est fou, non? C'est complètement fou. C'est fou? Bah oui. Bah oui. Non, mais là, tu répètes, faut finir. Faut faire un début, une fin. Faut vraiment que ce soit les meilleurs amis. Super pas mal, les meilleurs copains, oui, non. Moi, le truc qui montre que c'est ma meilleure amie, c'est quand elle achète un truc et qu'elle me le prête avant de le porter. Portez. Ah, ça marche pas. Ah non, on n'est pas meilleurs amis, non. Non. Elle achète un truc avant de le porter. Avant de le porter, elle me le prête. Ça veut dire que c'est ma meilleure amie. Ah. Oui, ma Ginger. Moi, avec ma meilleure amie, elle habite à Toulouse, c'est Émilie. Et je sais que c'est ma meilleure pote parce que quand je pense à elle, en général, elle m'appelle. Ah, ouais. C'est vrai, bah alors, vas-y, on essaie, attends, viens, on pense à elle. Oh là là, ouais, à cette heure-ci, je suis pas sûre. Bah, c'est chaud, quoi. Oh non. Eh ben, génial, Émilie, on va pas compter sur toi. T'es pas fiable du tout. Oui, non. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, je suis très heureuse. Ah oui, bah non, mais je croyais que tu voulais me parler, tu me regardes. Mais je te regarde parce que t'es beau. Oh, ok. Allez. Merci. De rien, c'est gratuit. Oui, Clément. Elle voulait finir ta phrase, mais il n'y avait pas de début à la phrase. Ça n'a pas marché. Je suis sûr que c'est ça qu'elle essayait en plus. Bon, les amis, Aurélie, toi la première, et vous tous qui m'écoutez, on n'est pas là non plus pour batifoler. Ah, oui. On n'est pas là pour bailler aux corneilles. On n'est pas plus là pour entendre péter les boucs. On est venu là pour vous offrir des beaux cadeaux. Les beaux cadeaux, je les ai. Le plus beau cadeau, toute radio confondue, jamais offert sur une radio, c'est moi qui l'ai. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Jingle. 50 ans de loyer. J-3. Voilà. À un moment donné, j'ai rien contre la copine de Ginger, Émilie de Toulouse, mais enfin, on s'en fout. J'ai rien contre le fait. Ben, excusez-moi, j'ai rien contre le fait que l'anticyclone des Açores est en train d'arriver. Ben, y a un moment donné, on s'en fout. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous parler de concret. Mon concret, c'est quoi? C'est que je vous offre 50 ans de loyer cette semaine. Dernière ligne droite, on est à 3 jours du plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France. Clément, comment est-ce qu'on s'inscrit? Ah ben, par SMS, tout simplement. Vous envoyez le loyer au 7 12 13. On est les meilleurs copains. Loyaux 7-12-13, les amis, vous êtes inscrits pour le tirage de 6h20. Ça arrive dans quelques minutes à peine. Déjà, oui, on aura un gagnant là sur l'antenne. Et vous pouvez tout à fait être le gagnant de 6h20 et le gagnant, puisque c'est le même numéro. Tous les SMS sont comptabilisés le 16 septembre à 8h20 pour cet énorme cadeau. 50 ans de loyer. Vous vous rendez compte, ma petite dame? C'est énorme. Vous avez un loyer de 610 euros. Je vous ferai un chèque de 366 000 euros. Wow. Oulala. On l'entend moins là, Aurélie. Hein. Si, je suis là, je veux bien, moi aussi. Aurélie, oui. Tu pourras aller te faire épiler 14 640 fois une demi-jambe chez Body Minute. Voilà. Oui, et avoir une plus grande piscine aussi. Eh oui, bah voilà, là, il sera très très grande. Hein. Tu pourras louer 91 730 fois un film sur la VOD. Wow. Ah, c'est bien, ah ouais, sympa ça. C'est sympa. Bah, oui. Et surtout, tu pourras aller voir 6100 fois la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Ah ouais, ça peut être sympa aussi. Et je pourrais... autant de fois. Même à 6100 fois, vous n'êtes jamais rassasié avec cette comédie musicale. Oui, Clément. Mais 6100 fois tout seul, par contre. Ah bah oui. Ah oui. Tu as déjà 3050 fois avec ta femme. Pas mal. Oui, Ginger, sur les réseaux. Sachant qu'ils font 50 dates quand même sur toute leur tournée, tu peux amener des potes, c'est quand même pratique. Ah, ouais. J'ai l'impression que Ginger veut une place de parking. La comédie musicale du patron, comme par hasard. Oui. Oh là là. Elle veut du rab à la cantoche à midi, la Ginger. Elle est maline. Je t'embrasse, ma petite Aurélie. Allez, inscrivez-vous pour le loyer. Ça arrive dès 6h20. Et puis, bien sûr, on va vous régaler jusqu'à 9h. Le plus important, c'est qu'on est très heureux de se réveiller avec vous. On vous accompagne chaque jour. Et on commence avec le son de Serge Peretta. Ça, c'est pour le pop rock électro. Excellent réveil. Hi, this is Serge Peretta on Virgin Tonic. Tonic. So hard to think about what we could have been, where life could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce. Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Excellent réveil, c'est mardi, c'est le 13 septembre aujourd'hui et le Virgin Tonic à vos côtés. Courage à vous qui êtes encore au petit-déj. D'autres, je le sais, ont bossé toute la nuit en nous écoutant. Un grand merci à vous, l'équipe est là. Oui. Et ma première étude, qu'est-ce que j'adore les études. Vous le savez, en temps, j'aimais pas au lycée, mais alors là, je suis devenu un passionné. J'ai la première de la matinée. On me l'a envoyé sur Facebook dans la nuit. C'est une étude qui nous vient de l'université du New Jersey. Oui. Quand les hommes se perdent en voiture, en moyenne, ils attendent 20 minutes avant de demander leur chemin. Et les femmes, seulement 10 minutes. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on est tellement... fiers. Ouais, fiers, orgueilleux, les hommes. Ouais, qu'on met deux fois plus de temps à tourner dans une ville qu'on ne connaît pas avant de demander notre chemin parce qu'on a... On a honte, quoi. On n'aime pas. Les filles, moitié moins de temps, ça m'étonne pas. Vous êtes bien plus maligne que nous, Clément. On est juste plus timide, en fait. On n'ose pas demander, ça se trouve, c'est ça. Il y a tellement de choses que j'ose pas demander dans la vie. Genre. Je suis très timide. Ah ouais? Ouais, dès que je suis tout seul, je suis très très timide. Par exemple, c'est vraiment, si quelqu'un est à ma place dans une salle de spectacle ou dans un train, ouais. Eh ben, je lui laisse ma place. Ah, c'est vraiment ça. Je suis incapable de dire non, mais en fait, moi, c'est là, et du coup, incapable. Bah, t'es sympa, dis donc. Incapable, je peux pas. Et même si je suis à ma place et que quelqu'un est plus près de moi de la vitre et je peux pas brancher mon ordi, vous savez, dans les trains, ouais. Bah, je passe tout le trajet sans charger mon ordi. Impose-toi. J'ose pas. T'es trop mignon. Mais non, mais vraiment, je bloque complètement. Tiens, ma Pauline. Moi, j'ose jamais demander la plus grosse baguette à la boulangerie. Donc je. Tu demandes pas la plus grosse? Bah, moi, je veux toujours la plus grosse. Ah bon? Moi, je demande bien blanche ou bien cuite, mais personne dit la plus grosse. Ah, si, moi, c'est la bonne grosse baguette pour faire des grosses tartines. Alors, on est tous retrouvés dans une boulangerie. Vous avez déjà entendu un client dire je voudrais la plus grosse? Jamais. Enfin, non. Vous voulez quoi comme baguette? La plus grosse, là, énorme. La moins cuite, souvent. La plus blanche, ouais. Ah ouais, moi, je préfère la plus blanche. Moi aussi. Clément, le truc que t'oses jamais demander. J'ose jamais sortir la phrase, justement, de dire tu viens boire un dernier verre à la maison. Tu sais, en bas de chez moi, même si je sais que c'est. Mais comme dans les films, j'ose pas. Et du coup, des fois, je dis. Alors qu'on a deux doigts de conclure, je dis bon, ben, salut. Ah bah non, ouais. c'est forcément gênant. Moi, il y a un autre truc aussi, c'est quand je suis chez le coiffeur, que la coupe me plaît pas, j'ose pas lui dire. Ah, ah ouais, c'est trop tard. C'est pas vrai. Non, tu peux un peu rectifier ou quoi. Je dis ouais, c'est super, ça me va très bien. Et ça me va pas du tout. Oui, d'or. Et ben moi, c'est quand je suis chez des gens et que on me sert un café et qu'on me l'amène sans sucre. J'ose pas demander le sucre. Et une fois, j'ai osé demander le sucre, mais il m'a pas ramené de cuillère et j'ai jamais osé demander la cuillère. On écoute 21 Pilots tout de suite. Ride, bienvenue sur Virgin Radio. Virgin Tonic. Puis surtout, vous restez avec nous, loyaux 7-12-13 pour vous inscrire. Votre loyer dès 6h20, je vous l'offre sur Virgin. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. Too many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling. Like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I've been thinking too much. Merci de nous avoir choisi. 6h, 9h, le Virgin Tonic, votre partenaire minceur, chaque matin à vos côtés. Enfin, je casse, vous voyez l'équipe. Hein. C'est de la publicité mensongère. Restez avec nous. Le pop rock électro que vous aimez, Christophe Lemaître. Il n'a pas été bon qu'au JO. Il fait également de la musique. C'est Closer qui arrive. On adore ce morceau. Je suis sûr que vous aussi, vous allez bien démarrer votre journée. Merci en tout cas de le faire avec Virgin Radio. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes French Touch. Du 15 au 19 septembre, venez découvrir la toute nouvelle Renault Clio avec son design encore plus séduisant. Et à cette occasion, la French Touch vous sort le grand jeu avec des offres exceptionnelles et une nouvelle Renault Mégane GT à gagner. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Leclerc. Philippe, tu savais, toi, qu'avec Leclerc, on peut profiter de primes énergie quand on fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans la maison? Absolument. Des primes en carte cadeau Leclerc qui te permettent de faire tes courses dans tous les magasins Leclerc. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, ces primes peuvent, selon tes revenus, être multipliées par 4. Rendez-vous sur l'énergiemoinscher.com pour connaître les modalités d'obtention et d'utilisation des primes énergie. Inscrivez-vous avant de vous engager auprès de votre installateur. Des travaux pour faire des économies qui donnent droit à des primes pour faire d'autres économies. J'adore l'idée. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Bonjour à tous, une météo toujours ensoleillée sur tout le pays, mais le temps va se dégrader. De la pluie, de possibles orages dès cet après-midi sur la côte atlantique de la Bretagne au sud-ouest. Le temps restera très lourd aujourd'hui. 30 degrés attendus à Rouen et Montpellier, 31 à Antibes, 32 à Grenoble, Poitiers, Reims et Saint-Etienne, 33 degrés à Paris et Alençon, 34 à Orléans et Clermont-Ferrand. On pourra de nouveau respirer dès demain. Nette baisse du mercure jusqu'à 10 degrés en moins dans le sud-ouest. Très bon réveil à tous. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio. Trop d'interrogations quant à votre avenir professionnel ou amoureux? Envoyez CARTE, C-A-R-T-E, au 72021. C'est une analyse claire et précise de tout ce que vous souhaitez savoir sur votre avenir. CARTE au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Alors j'écoute, tu m'as resté. Virgin Radio présente Ma vie. Et le temps passe. Son premier album, enfin disponible, inclut les tubes J'écoute du Miles Davis et Turbulence. En concert aux Étoiles à Paris, le 22 septembre. Lucas, 88-484. Les jeunes Danois de Lucas Graham nous chantent la vie. Envoyez Lucas, L-U-K-A-S, au 88-484. Accédez au catalogue et téléchargez Seven Years, le tube de Lucas Graham, en sonnerie. Lucas, au 88-484. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Virgin Radio, hit. La web radio 100% hit. It's my station. Welcome to your radio. Virgin Radio hit. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Paye votre loyer sur Virgin Radio. Ah mais oui, on perd pas de temps, nous les amis. Dès 6h20, on vous paye ce beau cadeau. En attendant, vendredi, c'est 50 ans de loyer qu'on vous offre. On me parle plus que de ça. Plus que de ça. Toute ma famille, tout le monde, machin. On ne me parle plus que de ce truc. 50 ans de loyer. Je sais que c'est incroyable, que tout le monde espère gagner. Ce qui nous empêchera pas, en attendant, pour tous ceux qui s'inscrivent, d'aussi vous offrir toutes les heures un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit remboursé. Nous, on vous fait simplement un chèque du montant, vous le dépensez comme vous voulez cet argent. C'est parti, premier tirage au sort de la matinée. Je rappelle à vous tous qui n'aurez pas la chance de nous avoir là au téléphone et de gagner ce cadeau, que quoi qu'il arrive, vous êtes inscrits pour le tirage de vendredi. On comptabilise tous les SMS reçus. C'est parti, première gagnante de la matinée, je l'espère, c'est une fille. Ah. J'ai le prénom, je le dis pas, je le garde pour moi. Allô. J'ai mes petits secrets, Laure. J'ai mon petit jardin secret. Oui, c'est bien. Allô, salut. Salut. Salut, qui est là? C'est Mathilde. Ah ben voilà, on le sait maintenant. Je savais. Mathilde, tu es d'où? Toulon. Toulon. On aime beaucoup Toulon. Ah, Rémi, la ville sur mer. La ville rose. Non. Ah non. C'est Toulouse, ça. Ben oui. Ça se passe bien, Toulon? Elle est impeccable, au travail. Toulon, pas loin de Sifour, de Bandol. La rade. C'est ça, hein? Ouais. C'est ça. Le rond-point. Ah, bien sûr. J'ai mangé cet été sur le port de Sifour. Ah, ah ouais? À la fabrique. Ah, d'accord. Non, c'est ça? Il y a un resto, donc, qui s'appelle comme ça? Peut-être. Mais parce que tu connais les petits coins où personne ne va, c'est pour ça. Bien sûr, le port, c'est vraiment un bon personne ne va. J'ai trouvé l'idée d'aller sur le port. Personne n'y a pensé cet été. La fabrique, ça n'a pas l'air d'être une chaîne du tout en plus. Non, pas du tout. Ma chérie, alors, ma petite Mathilde, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Ah bah, je suis très heureux, ma chérie. Ma petite Mathilde, à Toulon, tu fais quoi dans la vie? Je suis aide-soignante. Ah, oh, aide-soignante, infirmière. Qu'est-ce que vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter le matin. Un grand, grand, grand merci à vous et beaucoup de courage. Les infirmiers et tout, j'ai vu un documentaire sur vous ce week-end. Ouais. Je crois que c'était 7 à 8. Okay. Je sais plus, ou le journal qui montrait que c'était très, très, très et de plus en plus difficile d'être infirmier, infirmière et en plus de nuit. Donc, bon courage à vous vraiment et merci de nous écouter chaque matin. Mathilde, t'as un loyer de combien? 778. Eh ben ça, je te fais un chèque tout de suite de 778. Et en plus, si je t'ai au téléphone vendredi, j'aurai une belle surprise pour toi. Oh oui, j'ai déjà fait le calcul. Loyer. Alors, -3. À 3 jours de ce cadeau exceptionnel, et t'as déjà fait le calcul, donc je t'offre ouais, combien? Ça fait 460 et quelques à peu près. Et quelques, c'est pas rien, 466 800. Oh ouais. Voilà le chèque que je te ferai pour 50 ans de loyer si je te reprends au téléphone vendredi. J'espère en tout cas bonne chance, ma Mathilde. Parfait, merci. Bisous à toi, ma belle, et bonne chance aussi à tous ceux qui vont s'inscrire là pour 7h20. Ce sera le prochain tirage et courant eux aussi une chance d'être les gagnants de vendredi. Tout de suite, un peu de pop rock électro. Virgin Radio. C'est le maître qu'on écoute tout de suite. Je vous souhaite un excellent réveil. Courage à vous qui ouvrez les yeux. Courage à ceux qui sont aussi déjà en voiture. Aujourd'hui. Courage à ceux qui ont déjà démarré la journée. D'autres, je le sais, sont tout juste en train d'ouvrir les yeux. Quand tu ouvres les yeux, t'essaies de te rappeler de ton rêve. Oh, j'ai faim, oui. T'as faim quand même, moi aussi? Horrible. Non, moi, c'était ce week-end, je crois. Je rêvais que j'avais toujours pied dans l'eau. Oh, c'est pas un cauchemar, ça? Mais si, parce qu'en fait, mon corps grandissait au fur et à mesure. Et si j'allais très loin dans l'océan, je préfère jusqu'à 19 mètres. mais ça paraît rigolo, mais je vous jure, vivre, c'était angoissant. Ah ouais, je vois. Vous avez jamais vécu des trucs comme ça? Ouais, peut-être toi, cette nuit-là. Des cauchemars où t'es tellement dedans, t'as l'impression que c'est la vraie vie. Désolé pour ceux qui ouvrent les yeux, là. Ouais. J'espère que vous avez plus fait des rêves que des cauchemars. Bienvenue, en tout cas, sur Virgin Radio. C'est quoi ton cauchemar de cette nuit-là? Il était horrible, parce que j'ai rêvé que je trompais Juju, mais sous ses yeux, mais c'était pas moi qui dirigeais mon corps. Tu vois, c'était quelqu'un d'autre qui dirigeait mon corps. Et quand je parlais pour lui expliquer que c'était pas moi qui dirigeais mon corps, bah, j'étais sans le son, j'avais pas le son en fait. Je crois que ça s'appelle du SM. Je crois que ça s'appelle 50 nuances degrés, ce que tu es en train de me décrire. C'est pas moi qui ai décidé de le faire, je faisais devant lui. Non mais c'est très très bizarre. C'est horrible. Très bizarre. Clément. Moi je fais pas beaucoup de cauchemars, mais le pire c'est qu'on parie dans l'eau. Je descends en plongée sous-marine et j'ai plus d'eau, tu sais, j'ai plus de bouteille, j'ai plus de gaz. Ah ouais, c'est horrible. Et en plus, la dernière fois, il y avait une baleine. Mais gentil, mais il y avait une baleine. Mais moi ça m'arrive pareil, je suis de la montagne avec les avalanches. Souvent je rêve que je suis dans une avalanche et tout, que je perds la respiration, c'est horrible. C'est affreux ça, Clément. Et tu sais, quand tu manges et que tu digères pas, c'est là où tu fais des cauchemars. Bien sûr. Chaque fois que je mange un kebab, un sandwich, et que je me couche direct après, je fais un cauchemar à chaque fois. Ah ouais, quand tu manges trop, c'est les cauchemars, Pauline, au standard. Et quand tu dors sur le dos aussi. Moi, je fais des cauchemars que quand je dors sur le dos. Ah non, ça, je crois pas. Moi, je dors sur le dos tout le temps, c'est rare que je fasse des cauchemars. Et je te promets que moi, c'est à chaque fois. Et là, dernièrement, c'est à cause de vous. Oui, vous, les amis. Vous me dites tout le temps que mon mec est vieux. Mais j'ai rêvé qu'il se mettait avec ma mère. Il me disait qu'elle était mieux foutue que moi. Elle est très belle, ta maman. Ah, elle est très belle, mais ça va. Je sous-entends rien. Je dis juste qu'elle est très belle. Il y a Hugo qui est avec nous au 3916. Salut Hugo. Salut Camille, salut tout le monde. Hugo, mon petit bichon, est-ce que tu te rappelles par hasard? Je sais que c'est jamais simple de vous demander ça, mais est-ce que tu te rappelles de ton dernier cauchemar? Mais attends, j'en ai même fait un cette nuit. Et comme l'or, c'est-à-dire que cette nuit-là, et bon, le problème c'est peut-être d'avoir regardé Avatar hier, et moi mon cauchemar, j'étais un avatar, c'est-à-dire que j'étais tout bleu, le personnage d'Avatar là, avec la longue queue, tout ça, sauf que j'étais dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Et j'ai pris le bus, parce que je vais au boulot en bus, dans le bus j'étais un avatar, au boulot j'étais un avatar, et c'est-à-dire que tout le monde ou se moquait ou avait peur, c'était horrible. C'est pas horrible. C'est pas simple. Je comprends, c'est un peu comme quand tu fais le cauchemar de te retrouver nu dans une cour d'école. C'est horrible. Ah ouais, c'est pareil. Tu l'as rêvé aussi avec Juju, non? Non, j'ai rêvé qu'en fait j'arrivais à la place de ma fille pour faire la photo de classe dans sa classe, mais que j'étais nue. C'était horrible. Ah, c'est chelou. T'as des rêves Ça se passe comment avec Juju Je veux dire, coïtement parlant, parce que j'ai l'impression quand même que tes rêves, ils sont très olé olé. Vraiment. Non, mais j'ai appris que tu ne pouvais pas mourir dans tes rêves, ça c'est génial, non. Du coup ça rassure. Dès que tu meurs, tu te réveilles. En fait, ça te réveille ou il y a une bonne fin, quoi. Ouais. Ça c'est plutôt. Non, mais c'est vrai, c'est plutôt sympa. Clément. Non, mais c'est énorme les bonnes fins dans les rêves. C'est-à-dire que tu tombes de 30 mètres, genre tu rebondis et tu reviens, quoi. C'est ça une bonne fin, non? Mais où tu te réveilles? Vous êtes jamais réveillé comme ça en sursaut vous alliez tomber avec nous, quoi, alors? Mais tu sais que quand tu rêves, tous les personnages dans ton rêve, c'est toi, en fait. Ouais. Tu nous fais un ego trip, mais moi, c'est pas mon cas. Ah non, si. Bah, c'est un truc de psychanalyste qu'on va regarder sur Internet. Donc, quand tu nous disais que tu faisais l'amour avec quelqu'un d'autre, tu te faisais l'amour à toi-même devant toi-même. Égocentrique. Ok, très bizarre. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. J'ai l'image dans ma tête. Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Voilà ce qu'on écoute tout de suite dans Virgin Tonic. Courage à ceux qui ouvrent les yeux. Merci d'être avec nous. Les infos Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, une météo toujours ensoleillée sur tout le pays, mais le temps va se dégrader. Des orages attendus sur la côte atlantique dès cet après-midi. 11 départements viennent d'être placés en vigilance orange. En attendant une baisse du mercure demain, les températures resteront chaudes. 30 degrés attendus à Rouen et Montpellier, 32 à Grenoble et Poitiers, 33 à Paris, 34 à Orléans. Une mutinerie hier à la prison de Vivonne, près de Poitiers. Une cinquantaine de détenus ont pris le contrôle du deuxième étage et ont déclenché des incendies. C'est un refus de permission de sortie d'un des détenus qui aurait provoqué la mutinerie. Ils ont réussi à s'emparer du trousseau de clés d'un gardien. La situation a été maîtrisée au bout de 6 heures. La lycéenne de 15 ans poignardée par l'un de ses camarades au lycée Louis Armand à Glaise dans le Rhône était entre la vie et la mort hier soir. La jeune femme a reçu plusieurs coups de couteau dans le dos alors qu'elle s'apprêtait à sortir de l'établissement. Son agresseur, un jeune également âgé de 15 ans, a été arrêté. On ignore les raisons de son geste. Pas question de lâcher les salariés d'Alstom à Belfort. François Hollande a fixé hier matin à son gouvernement l'objectif de sauver l'usine qui emploie 400 salariés. Une fermeture qui serait hautement symbolique à quelques mois de la présidentielle. L'État s'est déjà engagé à acheter 30 nouveaux trains intercités. 400 emplois sont donc en jeu. Je vais beaucoup mieux. Message rassurant d'Hillary Clinton hier soir sur la chaîne CNN. La candidate à la présidentielle américaine a dû rassurer l'électorat sur son état de santé après avoir fait un malaise dimanche, soigné pour une pneumonie. L'ex-première dame doit reprendre la campagne cette semaine. Le football, du beau spectacle en perspective ce soir au Parc des Princes. Le PSG reçoit Arsenal à 20h45 pour la première journée de la Ligue des Champions. Les hommes d'Unai Emery sous pression alors que leurs résultats en Ligue 1 ne sont pas flamboyants. Un partout vendredi dernier face à Saint-Etienne. Deux autres clubs français sont également en lice, Lyon et Monaco, qui joueront demain. Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de la Ligue avec plusieurs chocs entre clubs de Ligue 1, notamment Nantes, Angers, Nancy, Caen et Rennes, Lorient. Marseille jouera à Clermont, ce sera les 25 et 26 octobre. Et puis la deuxième médaille d'or hier aux Jeux Paralympiques de Rio pour Marie-Amélie Le Fur. Après la longueur vendredi, la Française a remporté le 400 mètres hier. Deux médailles d'argent également pour la France en haltérophilie et en tennis de table. Les Jeux se poursuivent jusqu'à dimanche. Bon réveil, c'est Virgin Tonic jusqu'à 9h. Vous retrouvez Camille Combal, Laure, Pauline et Clément. Merci d'être là avec nous. Peut-être déjà au travail, vous avez peut-être bossé cette nuit. D'autres, je le sais, très nombreux sont en train de préparer le petit-déj pour la famille, sont encore sous la douche. Et là, tous les parents qui m'écoutent là et tous les enfants peut-être déjà réveillés qui se réveillent avec Virgin Radio, restez là. Dans une seconde, je vais vous donner une info incroyable qui casse tous les préjugés qu'on avait sur l'éducation de votre enfant. Je vous la donne dans deux secondes, le temps de vous dire encore qu'on est là de 6h à 9h, le Virgin Tonic, qu'il y a l'heure, qu'il y a Salut, Clément, bonjour. Qu'il y a la popo du standard, Coucou. Qu'on a des cadeaux magnifiques à vous offrir. L'iPhone 7, toute la semaine et tous les matins, vous gagnez votre iPhone 7, c'est-à-dire qu'on vous le précommande dès aujourd'hui, et vous serez parmi les premiers à l'avoir vendredi, voilà, le jour de la sortie officielle. Vous le recevrez là, on fait pas comme les autres, faire croire que vous l'aurez avant tout le monde. Vous l'aurez le même jour que ceux qui ont dormi devant la boutique pour l'avoir, mais vous n'aurez pas à faire ça. Et puis c'est une tablette Polaroid qu'on vous offre dans un instant. Vous pouvez vous inscrire dessus toute la matinée et puis discuter avec nous. Ça se passe au 3916. Et alors, cette étude, elle est dingue. Allez. Laure, toi qui es maman. Oui. Quelle classe ta fille, 3e? Oui. Année charnière. Année charnière. Sachez que selon une étude très importante réalisée par une université canadienne, le bavardage en classe est bénéfique pour l'élève et sa réussite scolaire. J'en étais sûr. L'étudiant qui bavarde tisse des liens au sein de la classe, le tissage, bien sûr. Il prend confiance en lui et par conséquent, il prend plaisir à aller en cours. Vous voulez que votre enfant soit content d'aller en cours, vous voulez qu'il ait envie de faire des longues études, eh ben il faut, pas trop quand même, mais il faut qu'il bavarde un petit peu en classe, Clément. Non mais c'est ceux qui étaient populaires, pas ceux qui étaient bons en classe, qui passaient la meilleure scolarité. Parce que t'as beau avoir des bonnes notes, si tu t'ennuies, ça dure 5 ans, 10 ans, c'est terrible. Bah oui, mais tu parlais un petit peu, tu vois. Bon, par exemple, je parlais pas mal, bah, je me suis fait beaucoup coller, j'ai tissé des liens avec mes pions. Voilà. Et on est meilleurs amis for life maintenant, Laure. Moi, j'avais comme remarque sur mon bulletin, si Laure travaillait autant qu'elle bavarde, elle serait prix Nobel. Mais... Et moi, et maintenant, pourtant, non. Je vais faire pareil en antenne pour les bavardages. Alors, attention, oui, Pauline. Moi, je bavarde pas, j'avais des bonnes notes, j'ai cassé ton étude. Ouais, mais est-ce que c'est pas trop sur les bonnes notes, c'est sur l'épanouissement scolaire et de pas y aller à reculons. Ah, moi j'étais hyper épanouie, hein. J'étais seule mais épanouie. Oui, non. Bah, moi j'étais seule mais pas épanouie, hein, je peux te dire. Toi, t'as passé une belle scolarité. Ah, j'étais très seule, ouais. Ouais, hein. Très seule. Souvent, j'étais devant le mur et ils jouaient à la balle sur moi, en fait. Ouais, sorry, mais c'est vrai. J'aurais tellement aimé connaître Laure à cette époque. J'avais un bon service. J'aurais dû les mettre dans ta classe. Charlie Pousse qui arrive pour le pop rock électro. Mais avant, bien sûr, on a rendez-vous avec le Réponse à tout. Très bon, la plus. Réponse à tout. Eh oui, mon Clément descend dans la rue, pose des questions aux nymphes. Et je leur ai demandé ce matin s'il valait mieux être l'aîné, le cadet ou le petit dernier dans la famille. Est-ce que c'est mieux d'avoir des petits frères et sœurs ou des grands frères et sœurs, à votre avis? Bah, vaut mieux être au milieu. Pourquoi? Parce que c'est mieux, tu te fais moins punir. C'est quoi la technique? T'accuses tes petits frères ou tes petites sœurs, ou tes grandes sœurs. Par exemple, tu coupes ton doudou et tu donnes les ciseaux à ton frère. Comme ça, t'appelles ta maman et tu dis que c'est ton frère qui l'a coupé. Et lui, il se fait punir? Oui. Bah, moi, je préfère avoir une petite sœur et un petit frère parce que ma sœur, elle est énervante. Parce qu'elle dit trou du cul. Ah, elle dit des gros mots? Oui. Ah bah, bravo. Et du coup, elle t'apprend des gros mots? Oui. Et si t'en dis, c'est de sa faute? Oui, et de la faute de papa. Et toi alors? Des petits frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les grands frères, comme parce que j'en ai un, et ben ça nous embête tout le temps. Et c'est très très très énervant. Et les petits frères s'embêtent pas? Si, quand même. Il vaut mieux être toute seule en fait. Oui. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Et tu vois alors, vaut mieux toute seule. C'est mal en fait. Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Dans un instant, je suis très heureux de le réaccueillir dans le studio. C'est Xyloman qui fera son grand retour. Si vous êtes des habitués, on est là depuis 3 ans. C'est la première fois qu'on le retrouve cette année. Mais voilà, c'est un personnage très important de cette émission. Restez avec nous, vous allez peut-être le découvrir dans un instant. Et excellent réveil à vous. Hey, this is Charlie Puth on Virgin Tonic. We don't talk anymore. Tonic. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on. The way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes. If she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Merci d'être là, c'est mardi aujourd'hui, le 13 septembre. Et oui, le Virgin Tonic qui s'occupe bien de vous entre 6h et 9h chaque matin, les copains. Courage à vous tous qui êtes déjà dans la voiture, d'autres sont encore au petit-déj sous la douche. On pense très fort à vous, Laure, Clément, Pauline sont là. Oui, présent. Coucou. Mais c'est pas tout. Ça, c'est pas toute l'équipe. Il manque quelqu'un, on l'avait pas encore vu depuis la rentrée. C'est Xyloman qui est là aussi. Ouais. Ça va, Xyloman? Merci. Alors, il a une particularité, en fait, c'est qu'il a été élevé par des xylophones. Bah oui. Très jeune, enfant, et depuis, il ne parle qu'en xylophone. Mais nous le comprenons, nous. Oui, bon, ça va, oh. Bah oui, deux secondes. Vous avez passé un bel été? Ah oui, et vous étiez avec qui? Ah, c'est curieux, je l'avais pas sympa comme ça, Marine. Oui, Clément. Non, non, mais justement, je peux lui poser des questions ou pas? Ah, bien sûr, allez-y. Très bien, est-ce qu'il peut nous expliquer rapidement la règle du jeu? Ah oui. Oh, c'est ça. Ah, oui. D'accord, ok. Bah, non, j'avais un doute. Ouais, je vais quand même vous l'expliquer. Hein. Il va reprendre des morceaux très connus uniquement aux xylophones. D'ailleurs, c'est assez hallucinant. Et bien sûr, si vous reconnaissez deux extraits, vous repartirez avec un beau cadeau. Tablette tactile Polaroid Pure. Moitié homme, moitié xylo. Il vient jouer sur Virgin Radio. Eh oui. Xyloman, héros de l'univers. Héros de l'univers. Son seul pouvoir, c'est de parler en xylophone. Ouais. En quoi ça sauve la veuve et l'orphelin. Mais bon, c'est un héros de l'univers. Et c'est Anthony qui va se confronter avec Xyloman ce matin. Salut Anto. Oui, salut les amis. Salut Xyloman. Comment tu vas, Anto? Eh bien, super, ça va bien. Je suis content de vous avoir. Et moi aussi, mon poteau. Tu viens d'où? De Nantes. Ah, il connaît bien Nantes, hein, Xyloman. Eh bien ouais. Sûr. Alors, Nantes sont pris une petite cartouche ce week-end en foot. Oh là là, c'est... Ouais. Ouais. Mais on aime beaucoup Nantes avec Clément et on aime beaucoup l'équipe de Nantes. Ça s'est pas très bien passé ce week-end. On va se refaire. Oh, vous allez vous refaire, j'en suis sûr. Anthony, mon bichon, tu l'as compris. Deux morceaux repris par Xyloman, trois morceaux. Si tu en retrouves au moins deux, ce sera gagné pour toi, d'accord? Ok, ok. On y va, c'est parti. Premier extrait Xyloman, vous êtes prêts? Eh oh, tu parles pas comme ça de ma mère, hein, Xyloman. Hein. Ah, je préfère. On y va, c'est parti. Oh là là là là. Je crois, j'ai la réponse devant moi. Hein. Je pense que sans la réponse, j'aurais eu du mal. Oui. Et pourtant, on l'a énormément écouté cet été. Oui. Je vous promets, je crois que j'aurais eu du mal. Est-ce que t'as retrouvé Anthony? J'ai un doute. Je pensais à Justin Timberlake. Eh ouais, Can't Stop the Feeling. Bonne réponse, mon poteau. Déjà une première. Xyloman, on y retourne à des morceaux entièrement au xylophone. Il ponctue tout ce que je dis. On y va, c'est parti, deuxième extrait, un morceau qu'aime beaucoup Laure. C'est impressionnant. Oh là c'est là dur, là. Hein, c'est très beau. Oh là là là, c'est impressionnant. Anthony, mon bichon. Michael Jackson. Eh ben, on est sur du Michael, bien sûr. Bien sûr. On s'en fait un petit dernier pour le plaisir. Xyloman, ouais. En plus, c'est l'hymne de l'émission qui va nous jouer au Xylo. Il l'avait pas encore fait. Ah, on dit déjà la réponse. Ouais. De l'émission Bruno Mars Locked Out of Heaven version xylophone. De toute façon, c'était déjà gagné pour Anthony. Si vous nous rejoignez sur Virgin Radio, c'est Xyloman, il reprend tout. Xylo, on écoute. Oh, j'adore. Bravo Xyloman, j'adore ce morceau. Ouais. C'est vraiment, c'est notre hymne, le morceau qu'on chante à chaque fois qu'on vient vous voir. Ouais. Et on est venu depuis 3 ans, on est venu vous voir à Marseille, on est venu vous voir à Aix-en-Provence, on est venu à Montpellier, on est venu à Lyon, on est venu à Strasbourg, on est venu à Lille, on est venu à Bordeaux, encore plein de villes, à Rennes. Et ça, à chaque fois, était un kiff, on a toujours chanté cette chanson. Ouais. Donc ça nous fait hyper plaisir. Anthony, mon bichon, deux bonnes réponses, c'est gagné pour toi. Génial, merci. Cool. Tablette tactile Polaroid Pure 10.6 pouces haute définition avec deux haut-parleurs. Ah bah. Ouais, cool. On est bien ou on n'est pas bien? C'est génial, merci beaucoup. Super. C'est un très beau cadeau. Allez voir sur les sites et tout, vous verrez, c'est un très très beau cadeau. Je suis ravi de te l'offrir, Anthony, et de te l'envoyer du côté de Nantes. Excellent réveil à vous tous. Tout de suite, c'est Coldplay Hymn for the Mardi. Vous savez, on le chante tous les jours. Non, c'est le week-end, mais c'est aujourd'hui, on est mardi, c'est Hymn for the Mardi. This is Christian Van Coldplay on Virgin Radio. Virgin Radio. D'être avec nous les amis, mardi 13 septembre aujourd'hui, restez bien dans le coin, c'est là que ça se passe tous les matins, le Virgin Tonic 6h-9h avec les plus beaux cadeaux, un iPhone 7 à vous offrir encore ce matin, et puis votre loyer, 50 ans de loyer à gagner, vendredi matin 16 septembre 8h20. Pour vous inscrire au loyer au 7 12 13 par SMS, vous serez peut-être aussi le gagnant d'un mois de loyer qui arrive dans à 7h20, dans une demi-heure maintenant, restez bien dans le coin. Et c'est The Avenger pour le pop rock électro, ça c'est le son que vous aimez pour ouvrir les yeux. Courage à tous. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon braquage. Renault Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LL des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Bon, pour la reprise de la Champions League, on attend Beansport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur de jeu. Avec deux affiches françaises en exclusivité par journée, on veut te voir à fond, ok? Ok, coach. La reine, les grands clubs européens sont aussi au rendez-vous. On est sur tous les matchs, compris? Yes. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur beIN Sport. Avec ce soir, Paris Saint-Germain Arsenal et demain, Olympique Lyonnais Dynamo Zagreb, en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Voir conditions sur beIN Sport.com. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux? Pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok, ok. T'as hérité? Non, 295€ par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch. Suréquipé 3 ou 5 portes à partir de 295€ par mois sans apport sur 36 mois, entretien inclus. Mene. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016 sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur Mini.fr. Nouveauté. Virgin Radio. Moi, sans vous, qui sommes unis à vie pour le meilleur et le bonheur qu'on s'est promis. Quelqu'un ici, un autre ailleurs. Quelle est ma vie? aujourd'hui, le 13 septembre. Laure vous dit bonjour. Bonjour à tous. Clément vous salue bien bas. Salut bien bas. Pauline vous fait la bisette. La bisette, bien sûr. On est très heureux d'être là. Qu'est-ce qui se passe à 7h? Un point sur l'actu, comme tous les matins. Bien sûr, un point sur l'actu avec plus de 60 journalistes partout en France qui se réveillent à vos côtés pour vous donner une info qui vous intéresse vraiment. Et puis juste après, 7h05, ça va chanter, les amis. Oh oui. Ça va chanter sur du Laurie. Ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Tous les matins à 7h05, on ouvre un répondeur, on écoute tous vos messages. Et le mardi, on aime vous faire chanter. Donc vous chantez tous Ma meilleure amie de Laurie. On met plein de vos voix à la suite et ça donne la version Virgin Tonic de Laurie. Génial. C'est extraordinaire, vous allez voir. Mais avant, j'aimerais qu'on règle des choses dans l'équipe. Parce que je voudrais vous prendre la partie, Laure, Pauline, vous tous qui nous écoutez dorénavant. Clément, je lui ai prêté un chargeur de téléphone. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait l'erreur, la même erreur que ceux qui prêtent un DVD. Voilà. Tout à fait. DVD, tu lui dis au revoir, hein, bien sûr. Dès que quelqu'un part chez toi avec un DVD, je te le rends la semaine prochaine. Ouais. Tu peux directement aller sur ces discours, le recommander, tu ne le reverras jamais. Non, mais je vais te le ramener, ton chargeur. C'est vrai, je l'ai pas encore regardé, c'est pour ça. J'avoue, il y a des trucs sur lesquels on peut pas compter sur moi. C'est pour le ramener le lendemain. Mais je vais le ramener, je ramène toujours, mais je suis tête en l'air. On peut pas compter sur moi pour ça. En général, nous c'est pour iPhone. Donc je vais prêter un chargeur pour son iPhone. Mais vous savez, en plus, je vais prêter le chargeur kiffant. C'est vraiment celui où pas la prise pourrie, la prise cube là, un peu sympa. Le vrai, quoi. Ouais, qui est vrai. Et un fil qui est un peu sympa de distance aussi. Oh, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un kiffant. Et ça sent le truc qu'il va me acheter chez un chinois. Le truc qui brûle, je le connais par cœur, Clément. Non, mais le fil est tellement long, je peux le brancher chez moi, je te ramène le bout et tu te connectes sur mon courant. C'est pas mal. C'est un truc à faire. Sur quoi on peut pas compter sur vous, Clément? Sur plein de choses. On va en parler jusqu'à demain. Laure, sur quoi est-ce qu'on peut pas du tout compter sur toi? Moi, faut pas compter sur moi pour te dire que t'as grossi si t'as. Enfin, pour te dire que t'as pas grossi par contre. Si t'as grossi. Tu vois, genre, ouais, j'ai grossi. Ouais. Enfin, tu sais, les filles, elles demandent ça pour qu'on les rassure. Oui. Hein? Moi, je dis la vérité. Ouais. Du coup. J'ai grossi cet été? Non. Ouais. Un petit peu. Moi, il y a un truc sur lequel on peut. Tiens, on va lancer un hashtag. Oh là là, musique du hashtag, s'il vous plaît. Les amis, on lance le hashtag compte pas sur moi pour. Ok. Clément, j'en ai un autre si tu veux. Ne comptez pas sur Clément pour ramener les chargeurs. Moi, j'ai un truc, c'est les déménagements. Vas-y. Ah ouais? Ah ouais, ça, j'y couche. Non, je vous le dis, je suis un très bon ami, sincèrement. Mmh. Je suis là pour plein de trucs, plein de galères. Je suis toujours là. Les déménagements, je suis pas là. Oh. Faut pas compter sur moi. J'y arrive pas. Je suis pas breton, déjà, c'est les déménagements. Ma vie, c'est un truc de breton, ça, c'est pas fait pour tout le monde. Oui, je suis comme toi, moi, je déménage tellement moi-même que j'ai en plus. Enfin, voilà, j'en ai assez. J'ai pas envie d'aider les autres, quoi. Bah non, mais ça s'appelle l'amitié aussi, tu vois. Oui, mais enfin, je sais pas, on n'appelle pas ses amis que pour les galères. On n'est pas obligé de les appeler. Moi, je suis là pour les galères, c'est ce que je veux dire. J'ai l'impression d'être un ami horrible. Je suis vraiment là pour les galères, sauf les galères de déménagement. Ouais, je comprends. Okay. Ah non, ça, j'y suis pas. Pauline, au standard. Moi, faut pas compter sur moi pour garder ton enfant le samedi soir. Et spécial casse dédié à ma sœur. Tu l'as voulu, tu le gardes, ton enfant, le samedi soir. Je ne veux pas le garder. Faut pas compter sur Laure pour faire des enfants le samedi soir. Qu'elle dort à 17h à peu près. Faut pas compter sur elle non plus pour d'autres choses. J'adore ce hashtag. Hashtag sur quoi on peut pas compter sur vous. Ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Ça fait pas de vous un mauvais pote, un mauvais mari, une mauvaise femme. Juste il y a des trucs, voilà, vous dites non, voilà, moi ma chérie par exemple, descendre les poubelles. Ah ouais, elle fait tout vraiment, elle est formidable, elle cuisine bien, je l'adore, je l'aime trop, mais. Les poubelles, il peut y avoir 8 jours de poubelles, hors de question qu'elle y touche. Ça la dégoûte, elle fait pas alors. Bah oui, et puis c'est un truc de mec les poubelles, c'est comme les ampoules. Les ampoules? Les changer les ampoules, il y a des trucs de mec, des trucs de fille. Bah, une poubelle, une ampoule, hein, quand même. Pauline, est-ce qu'il y a des trucs, peut-être les poubelles aussi, hein, sur lesquels on peut pas du tout compter sur toi, que ce soit ton chéri, tes potes au bureau, je ne sais pas. Bonjour Pauline. Oui, bonjour. Bah moi, en tout cas, enfin voilà. Donc, faut pas compter sur moi pour rappeler EDF à la bonne date. Oui. En fait, ils mettent un papier pour que tu leur donnes le relevé de compte. Oui. Enfin, ils font bien les choses. Ils mettent ça à peu près 2 semaines à l'avance. Mais moi, laisse tomber quoi, c'est mort. Impossible. J'oublie tout le temps et je peux pas les rappeler. C'est difficile. Puis alors, c'est quand même difficile de prendre une demi-journée, voire une journée de congé juste pour attendre le gars qui relève ton compteur. Mais qui est obligatoire aussi. Si je me mets à sa place, il peut pas venir venir le dimanche ou le samedi, mais c'est vrai que c'est compliqué quand même, Laure. Mais c'est vrai que tu peux le scotcher sur la porte et on oublie tout le temps. Moi, je suis comme toi, Pauline, j'oublie tout le temps. On peut le scotcher sur la porte. Oui. Ah bon, je savais pas, Pauline, au standard. Par contre, c'est le relevé de compteur, parce que si c'est le relevé de compte, c'est une arnaque, je pense. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elle disait. Ah non, le relevé mais de compteur. Ah bah ouais. Oui, bah non, mais pouvez nous laisser votre IV scotcher sur votre porte. Merci. Avec une autorisation de prélèvement. Sur quoi est-ce qu'on peut pas compter sur toi, Xavier au 3916 ? Salut mon Xav. Allô. Pour avoir du réseau. On peut pas compter sur toi pour avoir du réseau apparemment. Tu es sur Edge à l'heure actuelle, mon Xavier. Je t'embrasse. Bisous ma petite Pauline. Bisous, mes amours. Bisous à toi, ma belle. Reste avec nous sur Virgin Radio. C'est mardi aujourd'hui, le 13 septembre. On va faire un point sur l'actu. Réagissez, tiens. On va le faire plein de fois ce matin. Compte pas sur moi pour. Bah, par exemple, les journalistes le savent. Compte pas sur moi pour envoyer les infos à l'heure. C'est pareil dans 3 ans. On est mardi aujourd'hui. Courage. Et le pop rock électro de The Avenir qui arrive dans un instant. Bougez pas. Your radio. Les infos Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, soleil et chaleur toujours au programme ce mardi sur tout le pays, mais ça ne va pas durer. 11 départements du sud-ouest viennent d'être placés en vigilance orange pour orages violents. Des orages qui vont concerner toute la côte atlantique dès cet après-midi. Le mercure restera élevé. 29 degrés attendus à Caen et Marseille, 30 à Besançon, 33 à Angoulême et Paris. Ça va nettement baisser demain. Il aura fallu 6 heures aux forces de l'ordre pour reprendre le contrôle total de la prison. Le centre pénitentiaire de Vivonne, près de Poitiers, théâtre d'une mutinerie hier soir. Après avoir subtilisé le trousseau de clés d'un gardien, des détenus ont déclenché plusieurs départs de feu faisant, 11 blessés légers. C'est un refus de permission de sortie d'un prisonnier qui aurait déclenché la mutinerie. Le parquet de Villefranche-sur-Saône exclut tout mobile terroriste ou raciste. Un lycéen de 15 ans a poignardé l'une de ses camarades à la sortie des cours hier au lycée Louis-Armand à Glaise dans le Rhône. Âgée aussi de 15 ans, la jeune femme qui a reçu plusieurs coups de couteau était dans un état critique hier soir. Plusieurs centaines de manifestants rassemblés hier devant la mairie de Belfort pour s'opposer à la fermeture de l'usine d'Alstom. Un dossier brûlant qui a atterri à l'Elysée hier matin. Réunion de crise autour de François Hollande. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de se mobiliser pour qu'il y ait plus de commandes. L'État s'est déjà engagé à acheter 30 nouveaux trains intercités. 400 emplois sont en jeu. Facebook a un remède anti-cafard à en croire une étude américaine. Après avoir interrogé près de 2000 utilisateurs du réseau social de 91 pays, les chercheurs d'une université de Pittsburgh en sont arrivés à la conclusion que les likes et les commentaires positifs sur Facebook sont synonymes de bien-être. Un bonheur comparable à un mariage ou une naissance si l'on dépasse les 60 commentaires positifs en un mois. C'est le titre qui manque au PSG et c'est l'objectif de ses dirigeants. Le trophée de la Ligue des Champions, début de la compétition ce soir. Les Parisiens reçoivent les Anglais d'Arsenal à 20h45 au Parc des Princes. Les hommes d'Unai Emery ne brillent pas sur le terrain pour l'instant, 7e de la Ligue 1 avec une défaite et un nul au compteur. Autre club français en lice, Lyon et Monaco qui joueront demain. Et puis, 3 nouvelles médailles pour la France hier aux Jeux Paralympiques de Rio et pas des moindres. De l'or pour Marie-Amélie Le Fur sur 400 mètres qui avait déjà obtenu le titre suprême vendredi à la longueur. Et puis de l'argent pour 2 autres Françaises en haltérophilie. Et en tennis de table, c'est tout pour l'actu. Très bon réveil, vous retrouvez Camille Combal, Laure, Pauline et Clément sur Virgin Radio, bien sûr. Mardi aujourd'hui, beaucoup de courage à vous tous qui nous écoutez. Courage si vous êtes en voiture, prenez votre mal en patience. Peut-être déjà dans quelques bouchons. Et ouais, dès cette heure-ci, je sais que ça roule mal un peu partout en France. Peut-être que vous êtes encore à la maison sous la douche. Merci en tout cas de démarrer vos journées avec nous tous. Tiens, je vais vous présenter. Dites-moi oui ou non si vous avez plus de 30 ans. Laure est ici. Oui. Clément est ici. Oui. Ginger est ici. Pile poil. Pile poil 30 ans. Ouais. Ce que je vais dire va te concerner et vous tous qui m'écoutez aussi. Pauline du standard. Moi, je suis jamais concernée par rien. Eh bah ouais, t'es pas concernée, mais ton mec a 76 ans. Donc, écoute quand même ce que je vais dire, ça peut te concerner. Nico du bureau. Toujours 30 ans. Bah ouais. Bon, bah, la belle trentaine quoi. Non mais il y a plus de 30 ans. Ah, oui. Ouais. Mais quoi ? Non, mais parce que j'aime bien qu'on soit précise. Ouais. Parce qu'elle a bientôt plus de 30 ans, elle. Dans notre dizaine, c'est bientôt pour ça. Plus de 40. Ouais, je veux dire. Bon, les amis, je viens de voir une info incroyable juste avant de découvrir vous en train de chanter dans la première question de ouf de la matinée avant d'écouter The Avenir. C'est une info qui vient encore du magazine Biba. Je lis beaucoup Biba en ce moment. Oui, oui, c'est vrai. Ben oui. Biba, je suis Baba. C'est une info très sérieuse menée par l'agence publicitaire Havas. Ça concerne plus de la moitié des personnes de plus de 30 ans. Oui. 54% des personnes de plus de 30 ans, eh ben écoutez bien, préfèrent manger que faire l'amour. Ah. Ben ça peut se comprendre. Les réseaux sociaux, les couples, tout ça serait un des facteurs. Quand on a plus de 30 ans, une personne sur deux préfère faire l'amour que préfère manger pardon que faire l'amour. Clément, je te pose pas la question. Mais non, mais je vois. Non, mais j'adore les deux, mais c'est vrai qu'un bon repas, des fois, je peux dire non à un plan un peu comme ça juste voilà. Pour bien manger. Et en plus, les filles n'aimaient pas trop qu'on mange en faisant l'amour. Oui. Pas pourquoi ouais. Jamais. Oh, on mange des chips en faisant l'amour, ça vous plaît ah, pas. Non, non. Ouais, Laure, alors je vais te poser une question toute simple. Oui. Est-ce que tu préfères manger ou faire l'amour? Alors, j'adore manger après avoir fait l'amour. Manger après. Ok. Ça marche? Ça marche. Ok. Donc tu préfères quand même l'amour? Ah ouais, quand même, ouais. Pauline au standard. Bah avec mon mec, j'ai un problème. Du coup, quand il a trop mangé, on peut pas faire l'amour. Bah il dort. Eh ben oui. Bah oui. Bah oui. Et après, tu te fais du souci quand il mange pas sa compote. C'est William, hein. Willou. Willou la cartouche. Hein, de... Bah alors, Willou, tu touches pas à ta compote? Ouais, je repasse dans 2 minutes. Il faut boire, faut s'hydrater, Willou. Bah. C'est pas simple. Ginger, toi qui as 30 ans pile, tu préfères manger ou faire l'amour? Ben, je préférais faire l'amour, mais j'ai pas trop le choix en ce moment. Je suis plus chocobon en ce moment. Je suis plus Kinder que Tinder. Hein. Je vous cache pas. En ce moment, c'est assez calme. Merci à vous. Allez, tout de suite. C'est la question de ouf. Question. Question de ouf. Le Virgin Tonic, chaque matin, vous laissez votre message, pardon, 01 84 07 08 09, à la question du jour de Clément. Et là, on vous a demandé de chanter ce matin. Exactement, sur Laurie, sur cette chanson, Ma meilleure amie. Je serai ma meilleure amie. Et vous allez voir qu'il y en a qui chantent très bien, qui ont les bonnes paroles, et il y en a d'autres qui pas qu'ont du boulot. On se connaît depuis quelques temps, même si on se parlait peu souvent. C'est vrai, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je te sens si fragile, le cœur à découvert. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets, car je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi, n'importe où, quand tu voudras. Je serai toujours la même, un peu poète, prête à faire des folies. Je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On ne laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure amie. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu. Ben vous savez quoi, on est pas encore prêt pour The Voice. On va pas se mentir, on est pas encore prêt. Y'a Abner tout de suite, We Go Home. Excellent réveil à vous tous. Vous êtes dans le Virgin Tonic. Virgin Tonic. Virgin. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know. Oh, oh, oh. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go. supposed to think you're thirsty, Rose? Yeah, no, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. C'est mardi, c'est le 13 septembre. Merci d'être là avec nous chaque matin. L'équipe est ici, bien sûr. Oui. Soyez prudents si vous êtes en voiture. Courage si vous êtes sous la douche. Attention, 1 mm, 900 degrés sous la douche. Vous le savez, soyez très prudents. Laure Clément Poupeau. Oui, coucou. Oui. J'ai une info qui est marrante, qui confirme en tout cas moi ce que je vis chez moi. Ouais. 63% des personnes qui ont un vélo d'appart à la maison ne l'utilisent pas. Ne l'utilisent pas en vélo parce que non. Tu le mets en porte-manteau après. Mon rameur est devenu un étendage pour faire sécher le linge. Ah bah voilà. Parce que l'étendage est trop petit pour les draps, le rameur est parfait. C'est pas fait pour ça. Non. Mais sachez-le, chez Decathlon, vous devriez le mettre. Quand vous vendez des rameurs, mettez, oui, machin, c'est top, voilà, l'endurance, il y a un compteur technique. Et idéal pour faire sécher les draps quand vous en servirez plus. C'est un très bon argument de vente, Laure. Mais au moins, au final, il te sert à quelque chose. Parce que moi, j'ai un milliard de trucs chez moi qui me servent à rien, mais à rien. Du style, une machine à panini, par exemple. T'as une machine à panini chez toi ? J'adore. Je trouve ça tellement stylé d'avoir ça chez soi. Mais j'adore. Mais mais je m'en sers jamais. Donc en fait, ça sert à rien. Ça prend une place. Mais alors. T'as ça en vrai ? De dingue, ouais, je te jure. Mais ramène. Ok, je l'amène demain. On fait un échange. Vas-y. Une machine à panini ? Contre quoi ? Contre. Le rameur. Bon, il faut que je vois sur les prix. Ouais. Tu prends le rameur. Ouais. C'est quoi en fait, j'échange une machine à panini contre un porte-manteau, donc quoi qu'il arrive, je suis gagnant, Clément. Je peux rentrer dans le deal ou pas? J'ai un lecteur DVD, alors que la Freebox, tu peux mettre les DVD, ce qui fait que je me suis rendu compte, ça fait 2 ans que je m'en suis pas servi. Ah ouais, il peut, peut-être parce que des fois les DVD ils sont en mieux, genre ils font Blu-ray ou je sais pas quoi. Moi je suis pas très branché là-dessus. Moi il fait pas non plus ça. Non, il fait pas. Non, moi il fait. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Pauline au standard, moi, est-ce qu'il y a un truc toi aussi? Ouais. Tu l'as... Attends, moi, je vais vous demander au standard, on a tous ça. Un truc à la maison. Vous l'avez, vous le gardez, hein. Ouais. Vous savez pas pourquoi. Les années passent. Vous jetez plein de trucs. Ouais. Ce truc-là, vous le jetez pas et il ne vous sert jamais. Mm. Il vous sert à rien, Pauline. Ah, moi, un jour, j'ai acheté un. Un jour, j'ai acheté un arbre à chat et donc j'étais hyper fière. Je l'ai ramené et elle ne l'a jamais regardé. Ma chatte ne l'a jamais regardé. Elle passe devant, vraiment, elle l'a pas remarqué. Alors que c'est génial. Elle peut rentrer, elle a des jeux, elle peut faire dodo, elle a une sorte de mini niche à l'intérieur. Un arbre à chatte, ouais, ça monte, j'ai déjà vu ça. C'est, voilà, il y a des petites niches dedans, ils se font les griffes dessus, tout ça. Ah, c'est le kiff absolu. Des vraiment, chats. C'est très joli dans un appart. C'est, vraiment, c'est au top de la. C'est vraiment au top de la déco, en tout cas. Hein. Quand on connaît la superficie de ton appart, c'est vraiment, c'est une bonne idée, en tout cas. Clément, ils sont comme nous, les chats. Je pense qu'on t'offre un arbre, t'es dégoûté. Imagine pour ton anniversaire, on travaille, on dit tiens, un arbre. C'est horrible. Moi, ça me déplairait pas. Bah, ouais, vraiment. Genre, mais tu dois. Non, mais on se plaint. Ton anniversaire est quand même dimanche, t'as. Essayer de trouver quand même autre chose, mais. Je sais pas, un olivier ou quoi, c'est joli, quoi. Bah, alors. Non, mais c'est pas ça, c'est comme les enfants, en fait. Les enfants, ils veulent pas les jeux que tu leur offres, ils veulent jouer avec ton portable, ils veulent jouer avec des trucs avec lesquels ils ont pas le droit de jouer. Les trucs autorisés, ça les intéresse pas. Donc l'arbre à chat, bah, ça l'intéresse pas, le chat. Ouais. Bah ouais, moi, c'est pour ça que je leur donne un fusil. Je vais toujours jouer avec mon fusil. Clément. Faudrait faire l'éducation inverse pour les parents dire je t'interdis de faire tel son. Et je suis sûr qu'on aurait des petits génies. Bien sûr. Oh, c'est pas bête. Mais bien sûr. Oh, c'est pas bête du tout, Pauline. Donc vous voyez ma chatte comme hyper intelligente là. Non. Marina, ma chérie, au 39-16. Salut ma belle. Alors tu m'appelais peut-être pas du tout pour ça. Est-ce que toi aussi, à la maison, t'as un objet, tu gardes, tu sais pas pourquoi, les déménagements passent, les vide-greniers passent, mais tu gardes ce truc-là qui ne te sert à rien. Écoute, moi c'est pareil, j'ai un vélo comme vous qui sert pas, mais mon mari, lui, il a la palme. En fait, il a des vieilles espadrilles toutes dégueulasses, pourries, déchirées, qui garde en fait que je n'ai pas le droit de jeter. On est censé quand même tuer les moustiques avec, sauf que moi je suis un peu maniaque et donc je fais comme tout le monde, j'utilise des bombes à moustiques, tu vois. Mais lui non, ce n'est pas possible, il ne faut pas les jeter. Elles sont trop moches, elles puent, mais on les garde. Bah, c'est un mec de Tatane, c'est Jason Tatane. Voilà. C'est le roi de la Tatane. Exactement. On a des trucs comme ça les mecs, on parle souvent de notre survêt qu'on adore pour dormir et tout, qui est vieux, mais qu'on veut garder alors qu'on pourrait aller en acheter un autre chez H&M à 12 euros, mais on veut pas. Non. Et moi j'ai pas avec des chaussures. 3€ la paire d'espadrilles, s'il te plaît. Ben non, moi j'ai des baskets un peu comme ça, j'y suis hyper attaché. Ben je non. Sais pas pourquoi, je pourrais jamais les jeter, elles sont violettes alors qu'elles étaient blanches et tout, mais on les aime trop. L'or. Moi je jette et j'accuse les enfants. Oh non. Bah quoi? Bah ils ont dû avoir des avantages aussi. Oh les enfants, qui a jeté la guitare que Juju avait offert par son ex? Ça c'est dégueulasse hein. Ça ne se fait pas. Rodolphe, est-ce qu'il y a un objet qui te sert à rien que tu gardes à la maison aussi? Salut poteau. En fait je garde les médicaments à chaque fois que je suis malade. Après, alors qu'en fait il ne sert à rien. Dès que je suis malade, je retourne voir le médecin. Moi, je fais exactement pareil. J'ai ma pharmacie, elle est pleine de médicaments. Ouais. Je garde. Ouais. Mais je sais pas c'est pourquoi. Exactement ça. Et voilà. Et du coup, tu fais un tour de ta pharmacie, tu vois des trucs qui sont périmés depuis 8 ans, ouais. sont interdits à la consommation ouais. depuis 3 ans. C'est très bizarre. Pauline, au standard. Bah, il faut les ramener. Il faut pas les jeter à la poubelle. C'est pour ça qu'on les jette pas. Parce qu'on se dit non, c'est pas bien. Ça pourrait, bah, je sais pas, ça pourrait rendre malade un rat, finalement. Qui mais alors, mais les ramener, ils en font quoi? Si, ils recyclent et ils remettent un peu. Ça peut resservir. Oui. Il faut ramener tous les médicaments non utilisés à la pharmacie. Ah oui. Comme les piles? Voilà. Exactement. Je sais pas du tout. Oui. En fait, la poubelle, elle sert à quoi dans une maison? On a combien de droits de jeter? Les bouteilles, il faut les descendre en bas. Évidemment, faut les raser, les piles aussi. Mais t'es plus de poubelle, ça sert plus à rien. C'est pas faux. Ouais. Oh là là là là, je mets un coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Rodolphe, je t'embrasse très fort. Merci, oui, dans la poubelle. Merci, Pauline. Merci. J'y vais? Oui, on va. Va chez Énergie, tu seras bien. Reste avec nous, les amis. Dash qui arrive tout de suite. I hate you, I love you. Bienvenue dans le Virgin Tonic. C'est un bonheur d'être avec vous chaque matin. Bravo. Et on fait quoi maintenant? Sers-toi de ton appli Direct Assurance, voyons. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Alors oui, vous avez eu un petit accident, mais non, vous n'allez pas perdre votre bonus 50. Alors on se calme, on va régler ça ensemble. Bravo. Si vous avez un bonus 50, chez Direct Assurance, vous le conservez même en cas d'accident responsable. C'est votre appli banque qui va être contente. En plus, en souscrivant chez Direct Assurance, vous pouvez économiser en moyenne 270€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Fais demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 Cactus avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 135€ par mois. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre selon autorisation. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km. Après un premier loyer de 1 800€, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. Comme pas mal de jeunes diplômés, Romain a longtemps cherché un premier poste. Il a cherché parmi toutes les entreprises qui pouvaient l'intéresser. Il a cherché comment avoir le meilleur CV. Puis il a cherché sur Le Bon Coin. Et grâce à ça, aujourd'hui il cherche encore, mais pour un grand laboratoire. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Pour 139€ par mois, ne dites plus jamais. Ok, toi tu cherches une place à droite, et puis moi je regarde à gauche. Smart for Two, garez-vous enfin là où vous allez. Smart for Two, 45 kW pur à partir de 139€ par mois. Offre LLD 48 mois, 40 000 km, sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Bon, pour la reprise de la Champions League, on attend Beansport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur de jeu. Avec 2 affiches françaises en exclusivité par journée, on veut te voir à fond, ok? Ok, coach. La reine, les grands clubs européens sont aussi au rendez-vous. On est sur tous les matchs. Compris? Yes, sir. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur Beansport. Avec ce soir, Paris Saint-Germain Arsenal et demain, Olympique Lyonnais Dynamo Zagreb en direct et en exclusivité sur Beansport. Sport. Voir conditions sur beansport.com. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Bonjour à tous, une météo toujours ensoleillée ce matin sur tout le pays, mais le temps va se dégrader dès cet après-midi. De la pluie, surtout des orages sur la côte atlantique. 11 départements du sud-ouest viennent d'être placés en vigilance orange. Le temps restera très lourd aujourd'hui. 30 degrés attendus à Rouen et Montpellier, 31 à Antibes, 32 à Grenoble, Poitiers, Reims et Saint-Etienne, 33 degrés à Paris et à Alençon, 34 à Orléans et Clermont-Ferrand. On pourra de nouveau respirer dès demain. Nette baisse du mercure jusqu'à 10 degrés de moins dans le sud-ouest. Bon réveil. Justin au 88 000. Justin Timberlake, encore un hit. Envoyez Justin, J-U-S-T-I-N au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez Can't Stop the Feeling en sonnerie. Justin au 88 000. Le tube de l'été sur votre mobile. Abonnement 3€ par semaine, DGP TF1. Ce soir, Blindspot, votre nouvelle série événement. Qui est cette mystérieuse jeune femme retrouvée amnésique, le corps entièrement recouvert de tatouages? Tous ces tatouages sont récents. Elle ne se rappelle plus qui elle est, ni d'où elle vient. Vous la connaissez? Non. Alors pourquoi votre nom est marqué sur son dos? Inédit, Blind Spot, ce soir à 20h55 sur TF1. Dans Duo Time, il y a duo pour deux et time pour le temps. Et oui, avec Duo Time, le temps d'être deux est venu. Vous êtes seul, célibataire, séparé, divorcé? Appelez le 08 92 05 04 03 pour faire la rencontre que vous attendez. Avec Duo Time au 08 92 05 04 03, vous ne serez plus jamais seul. Fournir 34 centimes la minute. Virgin Radio TV, retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist pop, rock, électro, mon image. Hi, Taylor Swift. Salut, c'est Chaka Khan. Bonjour, c'est Stromae. Hey, it's Ed Sheeran. Regardez le clip. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Virgin. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Chaîne 67 de votre Freebox. Chaîne 150 de votre télé SFR. Chaîne 142 de votre télé Orange. Sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Virgin Radio. Regardez-nous sur Virgin Radio TV. 100% music. Virgin Radio TV. Virgin Radio TV. Electro. Tout de suite, payez votre loyer sur Virgin Radio. Eh oui les amis, on est très heureux d'être avec vous. Et c'est tous les matins, 6h20, 7h20, 8h20 que vous avez rendez-vous avec ce maudit loyer. Voyez au 7-12-13 par SMS. Un seul numéro par texto pour vous inscrire. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a qui essaient de vous arnaquer sur Facebook, sur Twitter et tout. Je le sais, Instagram, ouais, Snapchat. Ouais. Parce qu'on offre ce cadeau incroyable des 50 ans de loyer. Et je sais qu'il y a plein de gens qui créent des faux comptes en faisant croire qu'on peut s'inscrire. Pas du tout. Le seul moyen, c'est par SMS. Loyer au 7-12-13. Vous êtes non seulement inscrit pour le tirage au sort qui arrive toutes les heures en exclu dans le Virgin Tonic, et en plus pour ces 50 ans de loyer, ça y est, dernière ligne droite, c'est vendredi matin 8h20 qu'on vous les offrira. Attention les amis, deuxième tirage au sort de la matinée. On a eu la Mathilde il y a une heure, 6h20, 780 € pour elle, aide-soignante à Toulon. On y va, on continue, c'est parti. Pas à Toulon? Si, à Toulon. Si, oui, si, si. 778 €. Exactement. Allez, on y va. Deuxième tirage. Bonne chance à tous, les amis. Ça sonne. Ça sonne, oui, mais ouais. Merci. Toujours troisième sonnerie. Non, on nous dit que ça sonne. Allô? Allô? Bonjour, qui est là? Benjamin. Benjamin, ça va, Benjamin? Ça va, merci. Quoi de neuf? Bah, au boulot. Hein, au boulot? Semaine. Au boulot, au boulot. Ça turbine? Ça turbine, oui. Ouais, bah, exactement. Benjamin, tu viens d'où? Montpellier. Montpellier, une très belle ville, Montpellier. On était venu vous voir, oui, à Montpellier, ouais, avec Louane. Ouais. Benjamin, quelle est la seule radio qui paye votre loyer, jeune homme? Virgin Radio. Eh bien. C'est gagné, Benjou. C'est génial. Benjou de Montpellier, tu fais quoi dans la vie, poteau? Je travaille dans l'informatique. L'informatique, parfait. Contrôle Alt Supre. C'est ça. Pomme C, Pomme V. Tu connais? Ouais. Oh, j'ai quelques notions, va. Bah. J'ai déjà arrivé de tabulé à gauche. J'ai un petit passé de hacker. Mais quoi? Anonymous. Bah bien sûr. J'ai déjà téléchargé des films aux Caraïbes. Je suis donc un pirate des Caraïbes. Excusez-moi d'avoir baroudé, les gars. Benji. Ouais. Je vais te payer ton loyer, tu l'as bien compris. Hashtag, ouais. Hashtag on s'est compris. Combien ton loyer, Benji? 1050 €. Eh bien, je te fais tout de suite un virement bancaire vers la Suisse que tu pourras récupérer à Zurich en rentrant les codes dans ta balise GPS. Mon poteau, ça c'est gagné. Et en plus, Benji, tu le sais, t'es automatiquement inscrit. Comme vous tous aussi, hein, qui n'avez pas eu la chance là d'être tiré au sort pour le plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France. 50 ans de loyer. J-3. Ah là, tu peux aller sur Google Chrome, mon grand. Tu peux vérifier, tu verras, mon petit Benjamin, ça n'a jamais été offert. Loyer de 1050 €, ça veut dire que si je te prends au téléphone vendredi prochain, je te ferai un chèque de, jeune homme, 630 000 €. Ah ouais. Oui. C'est énorme. Tu te rends compte? Bon. Eh ouais. Bah, grosse joie de vivre, j'espère qu'on va t'appeler vendredi. Ouais, j'espère aussi, ouais, je garde le téléphone. Bah écoute, mon poteau, bah, c'est normal, il est au travail, bah, à 7h20, ouais, on peut pas faire n'importe quoi, les amis, vous me faites rire. On peut pas crier de joie tout le temps. Il y a peut-être des gens autour de lui. Mon petit Benjamin, ouais, je t'embrasse très très fort. Merci beaucoup. Et il crie, ils vont croire qu'il a un virus, ils vont être obligés de lui mettre un ortho d'antivirus, des trucs, informaticien. C'est spécial comme boulot, les gars. Je t'embrasse très très fort, mon Benjamin, j'espère te reprendre au téléphone vendredi. Puis vous tous qui m'écoutez, rassurez-vous, encore un tirage au sort à 8h20. Le temps d'écouter Nash. Je disais Gnage depuis trois jours. Oui, pas le et jeu. On m'a grondé tout rouge. Alors maintenant c'est Nash, I hate you, I hate you, fou. I hate you, I love you dans le Virgin Tonic. Excellent réveil à vous tous, belle matinée. Nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a you on you, you wouldn't like that. I put this real out, but you wouldn't bite that. I type a text, but then I never mind that. I got these feelings, but you never mind that. No, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She's the only thing you ever see. How is it you never noticed slowly killing me? I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Bon réveil à vous, c'est mardi aujourd'hui, c'est le Virgin Tonic. Merci d'être là avec nous. Courage hein, si vous êtes en voiture, prudence surtout, prenez votre temps. Et bon courage aussi à vous qui êtes encore sous la douche. C'est le cas de Laure. C'est méchant. Puis se douche sous la, pendant l'émission, ce serait sympa. Clément serait moins sympa. Oui, et puis c'est plus rare chez moi les douches. Oh, bah alors, espèce de déculasse. Tous les mardis. Oh, oh, mais c'est mardi aujourd'hui, pourquoi vous râlez les filles? Et puis il y a Pauline au standard bien sûr, oui. Au 3916. Petit programme télé ce soir. Ouais. Ça vous branche? Ouais. Ce soir à la télé, il y a Blind Spot. C'est quoi? C'est un genre, c'est un truc genre t'es aveugle. Ouais. Et tu vois, il y a un spot, et donc il se prend le spot parce qu'il voit pas, donc du coup il prend le réverbère. C'est bien vendu. C'est ouais. Passionnant. Cache Investigation. Avec Élise Lucet. Avec Élise Lucet, ouais. Franchement, c'est très très bien. Sur France 3, il y a Capitaine Marteau. C'est la version française de Thor, je pense. il y a Thor, le gars il sauve le monde, il a un marteau, il lui revient à des kilomètres, et France 3, ils ont créé Capitaine Marteau. Ça doit encore être sympa. Ça s'appelle comment? Attendez, j'ai le titre quand même de truc. Le nom de l'épisode, Brouillard. C'est... Brouillard en thalasso. Oh non, c'est énorme. Brouillard en thalasso. On va s'éclater, les gars. Oh, puis alors, il y a un film que j'adore, vraiment, j'adore. Sur Sister, le film Sex Friends. Oh là là. J'adore. Ah ouais. Avec Ashton Kutcher. Yeah. Le mari de Myla Kunis de Black Swan et Nathalie Portman, le rêve. Hyper connu. C'est le film où genre ils s'envoient des textos, ouais. Ils disent viens on couche ensemble, ils le disent truc. Ok on est copains, d'accord. Ouais voilà, truc qui arrive jamais dans une vraie vie. Hein. Bon moi ça fait très longtemps que je suis en couple, mais j'imagine les gars ça nous arrive jamais, sinon mon pote tu réponds mais dans la seconde au texto quoi. Ouais, même ça dirait pas. Qu'on couche ensemble sans jamais se rappeler. Ouais bien sûr. Ouais bien sûr. À quelle heure, à quel endroit, t'as le digicode, on répondrait très très vite les mecs. Clément. Alors qu'on instaure toujours une espèce de règle des 3 jours. Quand tu sais, quand tu dragues nous les célibataires, quand on reçoit un message sympa, je dis j'attends 2-3 jours. Ça va faire genre, je suis pas au taquet, mais en fait, je le suis. Tiens, je vais vous demander de l'honnêteté, l'équipe. Ouais. Oui. Laure, Clément, Pauline. Oui. Je vais vous donner des situations, des personnes. Ok. Et vous allez me dire, en général, dans la vie, combien de temps vous mettez à leur répondre par texto. D'accord. Okay, d'accord. Vous qui nous écoutez, je suis sûr que ça va vous parler. Parce qu'on ne met pas autant de temps. Par exemple, entre un sexto et un texto de sa grand-mère, on ne met pas le même temps à répondre. Ah, non, c'est clair. Combien de temps vous mettez à répondre à un texto de votre chérie? Pauline, tu as une toute nouvelle relation. Moi, je le fais encore un peu attendre parce que c'est tout nouveau. Je mets une bonne heure quand même. Histoire qu'il flippe un peu. Histoire qu'il flippe un peu. On embrasse Willou la cartouchasse de Bordeaux, bien sûr. Un sourire, une cartouche. Laure. Un dixième de seconde. Oui. Bah, je suis au taquet, je suis amoureuse, pardon. 5 ans, non, combien 4 ans? Ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans et ça répond toujours aussi vite. Toujours. C'est beau. Combien de temps vous mettez à répondre maintenant, Laure, Pauline et Clément, à un texto de votre mère? Ça dépend parce que moi... un millième de seconde. Et votre mère? Non mais c'est pas ça. C'est que moi ma mère, mais toujours je lui envoie des textos pour dire que je suis bien arrivée partout, tout le temps, toute la journée. C'est-à-dire qu'on dirait que je fais des voyages de dingue. Je suis bien arrivée. Voilà, donc je mets un petit peu plus longtemps. Mais... Laure, heureusement, elle est pas astronaute parce que elle arrive sur la Lune, le premier truc c'est pour lui dire à ma mère je suis bien arrivée. Comment ça se passe? Est-ce que la navette, on peut avoir les derniers bilans de sanguin, tout le monde? Ouais, juste dites à ma mère je suis bien arrivée. Donc tu mets un peu de temps. Ouais, bon, mais je réponds quand même pour la rassurer. Clément, moi je réponds direct, les mamans c'est sacré. Ouais. Pauline? Moi je mets 20 minutes déjà à le lire en fait, parce qu'elle croit que c'est un mail, que des textos c'est des mails. Oui, donc c'est pas ça. Oui. Et combien de temps vous mettez à répondre à un texto de votre patron le week-end? Vous répond pas. Bah non. Le week-end, on attend lundi, on se dit ah, c'est dommage, j'ai vraiment pas eu mon téléphone du week-end. Bien sûr, Clément c'est ça, tu l'appelles pour un truc de boulot, il répond pas, tu lui dis on boit un verre. Ouais, bien sûr, mec, je suis là dans 20 minutes, on parlera boulot à ce moment-là. Il est toujours comme ça, Clément. Pauline? Moi j'ai pas de réseau chez moi. Ah, en vrai, hein. C'est vrai ça en plus. Ouais, t'as vu, on a galéré une fois. Bah, on a galéré, la seule fois où j'ai essayé de t'appeler, on a quand même la seule fille qui capte rien au téléphone portable, qui n'a pas de réseau chez elle, on l'a mis standard. C'est magnifique. Oui, Laure. Moi j'ai du réseau si tu veux m'appeler. Non, t'en mets pas. T'en mets pas, merci. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. Oh, Bruno Mars, Uptown Funk. Ah, oh, ça va faire du bien de réentendre ça. Ça va vous donner le sourire pour bien démarrer cette journée. C'est mardi aujourd'hui, le 12 septembre. Un point sur l'actu et dans un instant, c'est la réponse à tout. Bougez pas. Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous. Du soleil encore sur quasiment tout le pays, mais le temps va se dégrader. Des orages attendus sur la côte atlantique dès cet après-midi. 11 départements du sud-ouest viennent d'être placés en vigilance orange. Les températures resteront chaudes. 30 degrés attendus à Rouen et Montpellier, 32 à Grenoble et Poitiers, 33 à Paris, 34 à Orléans. On ignore pour le moment les raisons de son geste. Un lycéen de 15 ans a poignardé l'une de ses camarades hier à Glaise dans le Rhône. Plusieurs coups de couteau dans le dos alors que la jeune femme âgée de aussi de 15 ans sortait de l'établissement. Son agresseur a été interpellé. La victime était dans un état critique. Le calme est revenu tard hier soir à la prison de Vivonne, près de Poitiers. Le centre pénitentiaire était le théâtre d'une mutinerie qui a duré près de 6 heures. Des détenus ont pris le contrôle du deuxième étage après avoir subtilisé le trousseau de clés d'un gardien. Ils ont déclenché plusieurs départs de feu. C'est un refus de permission de sortie d'un des détenus qui aurait provoqué la mutinerie. Cela fait maintenant plusieurs années que ça dure et ça se confirme encore une fois. Acheter son logement n'a jamais été aussi rentable et ça grâce au taux d'intérêt très bas. La preuve encore ce matin dans Le Parisien Aujourd'hui en France qui publie les chiffres du site meilleurtaux.com. Il fallait 4 ans en moyenne l'année passée pour rentabiliser l'achat d'un logement de 70 mètres carrés par rapport à une location. C'est passé à 2,5 ans cette année. Un an suffit au Havre et à Limoges, 6,5 ans à Paris. Je vais beaucoup mieux, message rassurant d'Hillary Clinton hier soir sur la chaîne CNN. La candidate à la présidentielle américaine a dû rassurer l'électorat sur son état de santé après avoir fait un malaise dimanche. Soignée pour une pneumonie, l'ex-première dame doit reprendre sa campagne cette semaine. Le football, du beau spectacle en perspective ce soir au Parc des Princes. Le PSG reçoit Arsenal à 20h45 pour la première journée de la Ligue des Champions. Les hommes d'Unai Emery sous pression alors que leurs résultats en Ligue 1 ne sont pas flamboyants. Un partout vendredi dernier face à Saint-Etienne. Deux autres clubs français sont également en lice, Lyon et Monaco, qui joueront demain. Le tirage au sort hier des 16e de finale de la Coupe de la Ligue avec plusieurs chocs entre clubs de Ligue 1, notamment Nantes-Angers, Nancy-Caen et Rennes-Lorient. Marseille jouera à Clermont, ce sera les 25 et 26 octobre. Et puis deuxième médaille d'or hier aux Jeux Paralympiques de Rio pour Marie-Amélie Le Fur. Après la longueur vendredi, la Française a remporté le 400 mètres hier. Deux médailles d'argent également pour la France en haltérophilie et en tennis de table. Les jeux se poursuivent jusqu'à dimanche. Bon réveil, c'est Virgin Tonic jusqu'à 9h. Vous retrouvez Camille, Laure, Pauline et Clément. générique, on a tapé dans les mains, c'était nul. On remet tout de suite le générique. Ah non, non, non, non. Attendez, c'est quoi, c'est tapage de main là? C'est ma faute aussi, j'y étais pas. J'étais là, j'étais en train de parler du programme télé il y a deux secondes, je continuais de regarder le programme télé, j'étais pas concentré, on remet, attendez, oh. C'est quoi ça? C'est pas une équipe ça? On a tout là. Réveillé sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. T'es où? Bien sûr, Virgin Tonic. Oh là là là là là là. Excusez-nous, les amis, on existe un peu, on discute, on se raconte nos vies, nous aussi, pendant les flash infos, on se raconte notre journée d'hier. On n'est pas aux affaires, on claque pas dans les mains. Ça va bien, Nico du bureau. C'est quoi, on claque tous des mains comme ça, on se prend un cours d'ado fessier. J'adore. Nous zoom. Allez, la bouche. Allez Corinne, on lâche rien. Allez, allez, allez, on pense au divorce, on se venge. Allez Corinne, il va râler. Eh ouais, il va râler, on partit avec la secrétaire. Eh ouais Corinne. On va vous montrer que vous avez un beau fessier encore ma Corinne. Ah là là là là, j'embrasse toutes les Corinne qui nous écoutent. Oui. Vous vous appelez Corinne? Là maintenant, vous m'appelez, je vous offre un séjour Pierre et Vacances. Voilà. Une semaine. Voilà, j'ai rigolé sur les Corinne, ça me plaît pas. Vous vous appelez Corinne, là maintenant, vous pouvez m'appeler. Tout de suite, voilà, vous êtes même pilote de rallye, vous appelez Corinne Macré. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Ma tête de fille sur cette vanne. C'est vous êtes non, la femme du Captain Igloo, vous êtes Corinne de Captain Igloo. Les petits Corinne de Captain Igloo. Appelez-moi. Appelez-moi. Vous êtes Phil Collins. Phil Corinne. Phil Corinne. La femme de film Collins. Je vous offre un cadeau, je vous offre une semaine, Pierre et Vacances. Vous avez déjà vu le film La Corinne a des yeux? Le film d'horreur. Vous m'appelez maintenant, je vous offre une semaine chez Pierre et Vacances. Ouais. Ok, c'est okay. Merci à vous. Les amis, j'espère que tout va très très bien pour vous. Que vous passez une belle matinée. On est tellement heureux en tout cas d'être là 6h, 9h avec vous chaque matin. Courage, hein, vous êtes peut-être encore à la maison, d'autres sont déjà au travail ou sur la route. Soyez prudents, les collégiens, les lycéens qui nous écoutent aussi. Bon courage pour cette journée. Le pop rock électro de Bruno Mars qui va arriver dans un instant. Hey. Et alors, j'ai une info dont je voulais vous parler. Ouais. À toutes les Corinne et à vous tous aussi qui m'écoutez. C'est un hôtel aux Pays-Bas voilà, qui propose un service assez particulier. Il s'appelle Divorce Hôtel. Ouais. Son objectif, permettre à des couples de passer un week-end dans un hôtel aux côtés de médiateurs et d'avocats pour divorcer le plus vite et le mieux possible. Ça ne va pas dans votre couple. D'accord. Juju, par exemple, ton mec me dit souvent que voilà, il se pose des questions. Alors. Je rigole pas du tout. Hein. Non, ça me fait pas rire. Eh bien, peut-être que Juju, ton mec, est en train de m'écouter et est en train de se dire, mais cet hôtel est fait pour moi. En fait, c'est des couples qui ont envie d'en finir. Mais du coup, ils partent le week-end à l'hôtel. Et en fait, c'est pour une séparation un peu plus en douceur. Moi, j'ai pas d'avis. Hein. Je voudrais pas vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais je trouve quand même que ça a le mérite d'exister. Et pour ce, ils rencontrent des avocats, des médiateurs. Et c'est pour essayer de faire une séparation un peu moins dans la douleur, un peu moins dans les larmes, Clément. Et ça se trouve, ils font un hôtel kiffant. Il y en a qui se remettent ensemble. Exactement. Tu sais, genre, ils font, ah, il y a un jacuzzi et tout. Bah, vas-y, on y va. Et puis, ça repart. Mmh. Écoutez bien, le couple se voit proposer deux chambres séparées. Ok. Et un médiateur qui va aider l'ex-couple à finaliser son divorce. Ils ne dorment plus ensemble déjà en arrivant à l'hôtel. C'est important, Laure. Oui, ben moi, ça m'aurait arrangé que Juju fasse ça avec son ex-femme parce que ça fait, je sais pas. Deux ans qu'elle dort avec nous dans le lit. Non, mais il s'est marié, je vous avais raconté, quand il était très jeune pour qu'elle ait ses papiers. Et en fait, elle nous saoule encore aujourd'hui avec des papiers. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, les ex-femmes, ça reste toujours un peu. Et j'aurais bien aimé qu'ils fassent ça en deux jours. Bien sûr. Pas simple. Hein. Bah oui, je me mets un Nico du bureau. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Au final, un médiateur, c'est fait pour arranger les choses. Quand tu veux effectivement mettre quelqu'un dans ta relation et que ça va mal, c'est justement pour essayer d'arranger les trucs, etc. Là, en l'occurrence, bah, c'est juste pour dire, OK, on va encore plus vite dans la séparation. Ouais, ou pour peut-être que ça se passe un peu mieux. Voilà, Laure. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a des trucs à diviser quand t'es marié. Quand il y a un médiateur, au moins, il y a quelqu'un pour parler. Et pour faire une tierce personne et relativiser un peu. C'est matériel celle-là. Bah non, mais bon. Elle a raison, Clément. Le médiateur, il a une chambre à lui ou il dort où en fait? Il y a une embrouille là-dessous. Les amis, tout de suite, il est temps de passer aux réponses à tout. Réponse à tout. Je sais pas comment satisfaire cette équipe. Je leur trouve des solutions au cas où il y a un divorce. Et Dieu sait qu'il y a eu des séparations dans cette équipe. Ça va ensemble depuis 3 ans. Et ça ne leur va pas. Alors je ne sais pas. Mais écoutez, débrouillez-vous. Je m'en lave les mains de vos relations. Clément, tu descends dans la rue, tu poses des questions aux enfants. Exactement. Là, j'avais que des filles. Donc je leur ai dit, mais pourquoi vous vous embrouillez toujours avec votre meilleure copine? Est-ce que vous êtes déjà fâché avec votre meilleure copine et pourquoi? Pourquoi tu t'es fâché avec ta copine la dernière fois? Parce que je lui ai mis la tête dans le sable. Pourquoi t'as fait ça? Mais parce qu'elle m'énervait. Pourquoi elle t'énervait? Parce qu'elle me tapait tout le temps. Et après, elle t'a mis la tête dans le sable et vous étiez plus copine? Non, c'est pas ça. C'est quoi l'histoire? Et en fait, je lui ai mis dans la tête dans le sable, elle arrêtait pas de me taper, du coup, elle m'a donné un coup de pied. Et vous êtes devenue copine encore maintenant ou vous êtes plus du tout copine? On est encore copine. Et comment vous vous êtes réconciliée? Parce que je faisais des beaux châteaux de sable. Et du coup, elle est revenue jouer avec toi parce que tu faisais des beaux châteaux de sable? Oui. Et toi, alors, ta meilleure copine, tu t'es fâchée avec elle ou pas? Non. Tu t'entends trop bien avec elle? Des fois non, des fois oui. Elle connaît tous tes secrets? Non. Ah, et donc c'est pas ta meilleure copine? Si. Tu lui donnes que la moitié de tes secrets? Non, je lui en donne aucun. Ah, tu les gardes pour toi? Oui. Okay, c'est qui, est ton amoureux ou pas? Non. Toi, tu le sais? Non. Réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Et puis je vous rappelle que le Virgin Tonic, c'est officiellement la radio officielle des Corinnes. Même si vous habitez chez une Corinne, vous dites viens chez moi, j'habite chez une Corinne. Eh bien ça marche aussi, je vous offre une semaine en pierre et vacances. Ouais. Avant 9h, eh oui, on veut faire plaisir aux Corinnes. Oui Clément. Si vous avez l'album de Francis Cabrel avec la Corinna. Ça marche aussi. Ouais. Wow. Voilà, ça marche un peu moins, mais on va le prendre quand même. Les amis, n'hésitez surtout pas. On écoute Bruno Mars dans un instant. Je vais avoir besoin de toute l'équipe. Ouais, okay. Ouais. On va faire le grand retour d'un jeu que j'adore, c'est le pari d'amis. Okay. Vous allez devoir parier sur toute l'équipe. 3916 pour nous appeler et vous repartez avec un cadeau magnifique. L'iPhone 7. Voilà ce qu'on vous offre dans un instant. Excellent réveil. Bruno Mars tout de suite. Hey, hey, hey. Ah Virgin Tonic. Ice cold, Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, violent, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the firemen. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot. My band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band buy up that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Bon réveil à vous. Merci de nous choisir le matin entre 6h et 9h. C'est le Virgin Tonic, c'est mardi le 13 septembre. Virgin Tonic. Oui les amis, on est à vos côtés. Courage à tous ceux qui sont en voiture, tranquillement, en train de vérifier dans la boîte à gants s'ils n'ont rien oublié. On a bien sûr que quelqu'un a déjà mis des gants dans une boîte à gants. Non, oui moi. Non, c'est vrai. Oui. Je comprends pas, mais pourquoi ça s'appelle une boîte à gants? Personne met des gants là-dedans. Bah, à l'époque, on devait mettre des gants. Bah à l'époque, bah ouais, à ton époque. Bien sûr ma Laurette. Les amis, tiens, Laurette ici, oui. Clément aussi, bonjour. Pauline, ça tombe bien. Puisque là maintenant on joue pour l'iPhone 7, les amis. Le tout dernier iPhone, on le précommande aujourd'hui, hein. Et vous l'aurez vendredi, le jour de la sortie, avec tous ceux qui auront passé la nuit devant la boutique Apple, bah nous, vous l'aurez directement livré chez vous. Et c'est Damien qui va avoir la chance de jouer avec nous ce matin. Salut Damien. Salut Carrie, salut toute l'équipe et salut, salut les corrides. Salut. Salut à toutes les corrides aussi. Mon petit Damien, je suis ravi de t'entendre. Reste là tout de suite. C'est le pari d'amis, je vais t'expliquer ça. Le jeu est vraiment pas simple, ouais. Mais il y a un beau cadeau à la clé. Virgin, Clément, Ginger, Laure, Pauline, Nico du bureau. Le principe est simple, je vais faire sortir Nico du bureau, Laure, Clément, Ginger et Pauline. Puis mon Damien, là ils sont en train de sortir, je vais te poser trois questions. Trois questions, peut-être que tu auras la réponse, peut-être pas. À vrai dire, ça ne sert à rien, puisqu'après tu vas devoir parier sur l'un d'entre eux. Je vais te demander de choisir quelqu'un peut-être qui a la bonne réponse ou quelqu'un qui n'a pas la bonne réponse. D'accord. Si tu fais au moins un bon pari, tu repartiras avec l'iPhone 7. D'accord Damien ? Ok, c'est bon pour moi. La première question, la voici. Je vais te demander de me dire quel empereur a été couronné à Rome en l'an 800. Il y a un empereur qui a été couronné à Rome en l'an 800. Peu importe que tu aies la bonne réponse ou pas, je voudrais que tu me trouves quelqu'un dans l'équipe, là, selon toi, hein, ils n'entendent rien de ce qu'on dit, qui aura la bonne réponse. Je vais dire Clément. Ils sont vachement des fois avec des questions, comme ça. Très bien. Ensuite, je vais te demander qui est l'acteur principal du film Interstellar. Le film Interstellar, l'acteur principal est dans l'équipe. Il va falloir trouver quelqu'un qui n'a pas la bonne réponse. D'accord. Nico. Nico, selon toi, n'aura pas la bonne réponse. Nico du bureau. Très bien, c'est noté. Et je vais poser une dernière question qu'on va leur reposer ensuite après. Je vais te demander à quel compositeur on doit la chevauchée des Valkyries. La chevauchée des Valkyries. À quel compositeur doit-on la chevauchée des Valkyries? Dis-moi, je voudrais quelqu'un qui ait la bonne réponse. Pourquoi pas Pauline? Pauline qui a la bonne réponse à ça. Je te sens présomptueux, mais on va vérifier ça. Je demande à l'équipe de rentrer. Les amis, des questions pas faciles. Ah. Un peu de tout. Je rappelle que l'équipe, je vais vous poser la question. Vous répondez quoi qu'il arrive. Oui. Vous ne savez pas si on cherche quelqu'un qui a la bonne ou quelqu'un qui a la mauvaise réponse. D'accord ? Ça, je vous le dirai après. Ok. Première question, elle est pour Nico du bureau. Ah. Il a parié sur toi, Damien. D'accord. Quel est l'acteur principal du film Interstellar ? Il y a un acteur qui porte le film Interstellar, qu'on voit partout. On cherche l'acteur principal du film Interstellar qui a cartonné dans le monde entier. Hein. Nico du bureau, selon toi. J'ai un trou parce que je confonds avec Gravity. Gravity. Et Interstellar, c'est un peu. Gravity, c'est George Clooney. Ouais. Voilà, Sandra Bullock. Alors, il y a un autre acteur qui est, voilà, il se perd, il retourne chercher des gens et tout, c'est très long. Ouais. Nico du bureau, selon toi, qui est l'acteur du film Interstellar, l'acteur principal? Mathieu McConaughey. Mais non. C'est une bonne réponse. Mais oui, c'est Mathieu McConaughey. Malheureusement, chercher quelqu'un qui a la mauvaise réponse. Ah, super. Je m'en fiche, au bout d'un moment, les gens me choisiront pour la bonne réponse. Et j'y ai cru parce que, franchement, t'as longtemps hésité, donc je me suis dit, il va peut-être se planter, ce qui serait bien pour Damien. Je rappelle, Damien, si vous nous rejoignez à l'instant sur Virgin Radio, soyez les bienvenus. On est là, 6h-9h, on est en plein jeu. Le pari d'amis. Damien a dû parier pendant que l'équipe était hors du studio sur ce qu'aurait ou pas la bonne réponse. La deuxième question, elle est pour Clément. Ok. Clément, Damien a parié sur toi. Je lui ai demandé quel empereur a été couronné à Rome en l'an 800. Un empereur qui a été couronné à Rome en l'an 800. Clément, très vite. Non, aucune idée en 800. Aucune idée. Non, le papa pingouin. Papa pingouin. Non. Non, non. C'était Charlemagne. Et on cherchait quelqu'un qui a la bonne réponse. Ah là là. Bah, écoutez, oh là c'est les questions que j'ai. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ça a été vérifié. Il a été couronné à Rome. Clément, ne faites pas genre, vous avez été élevé dans un quid. Non, non, mais vous êtes sûr, Jean-Yves, c'est plus des mérovingiens. Clément, on cherchait quelqu'un qui a une bonne réponse. Tu déçois un petit peu Damien. Pour l'instant, il ne gagne pas. Et la dernière question va à Popo. Popo. Oui. Voilà la question que j'ai posée à Damien. À quel compositeur doit-on la chevauchée des Valkyries? Un compositeur, on parle de musique classique, chevauchée des Valkyries. Pauline, il faut me donner une réponse. Ouais, Je sais pas. Dites quelque chose. Sardou. Essaye. Vivaldi. What? Au moins c'est essayé. Et c'était malheureusement Richard Wagner. Bah et on cherchait quelqu'un qui a la bonne réponse. Oh non. Vous êtes des truffes volantes. Vous êtes une bande de truffes volantes. Damien, je suis désolé, c'est perdu. C'est les jeux. Mais ouais, je suis désolé mon poteau. T'as mal parié sur cette équipe de bras cassés. Ouais. On va vous réoffrir cet iPhone avant la fin de l'émission. Le pari d'Ami sera de retour. Peut-être qu'enfin, ça va vous sourire. L'équipe fera, vous ferez les bons pronostics sur l'équipe. Je suis désolé mon Damien, on va quand même te faire un très très beau cadeau. Et pour vous tous, c'est DJ Snake tout de suite pour ouvrir les yeux. Let me love you. Bon réveil sur Virgin. This is Justin Bieber. Hey, c'est DJ Snake. Burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Comme chaque jour à 8h20, un loyer, loyer 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Chaque texto augmente vos chances aussi d'être gagnant du plus beau cadeau jamais offert en France sur une radio. 50 ans de loyer, ça c'est vendredi matin, le 16 septembre à 8h20. Bougez pas, on revient dans le Virgin Tonic. 118-712.fr, annuaire de référence pour trouver un médecin. 118-712.fr. Aviva s'adresse à vous. Vous, les couches-tard, les lève-tôt, très souvent les deux à la fois. vous qui êtes plus souvent là-bas que là, vous qui êtes « désolé, je suis un peu en retard », ou même « désolé, je ne pourrai pas ce soir », vous qui êtes parfois loin de vos proches, vous les passionnés, pour qui les samedis ressemblent de plus en plus à des lundis, vous, les pros. Parce que vous n'avez pas toujours le temps de vous déplacer, votre assureur Aviva vient à votre rencontre pour analyser vos besoins. Aviva, la bonne idée. Mère de famille et ancienne infirmière, Christine s'est toujours occupée de tout. Elle s'est occupée de la maison et de ses trois enfants, puis elle a décidé de s'occuper à nouveau de sa carrière. Et grâce au Bon Coin, elle s'occupe désormais de la santé des autres. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais... Carla, une place ? Ah non, dommage. Smart for Two, garez-vous enfin là où vous allez. Smart for Two, 45 kilowatts pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois, 40 000 km, sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Le magique anniversaire de But, c'est en ce moment. Le lave-linge Jublot 9 kg Indesit est à 279,99 € au lieu de 499,99 €. 220 euros d'économie, dont 20 en bon d'achat. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Voir conditions en magasin ou sur but.fr. Bon, je te laisse du poulet dans le frigo. Mais tu vas où ? Bah chez But. Sans moi ? Non mais je rêve, mais attends-moi. La Redoute Intérieure présente pour vous les rabat-joies. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites-donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40 euros tous les 100 euros d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40 euros tous les 100 euros d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99 € par mois pendant un an, puis 44,98 € avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclus sur SFR Sport. Enfin la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5 euros par mois. Frais d'ouverture de service 29 euros, engagement 12 mois. Détails sur sfr.fr. Virgin Radio. Virgin Radio. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme en vent, le cœur éléphant. Je suis parti ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Bonjour à tous et bon réveil, bienvenue sur Virgin Radio. Bientôt 8h les amis, bientôt un point sur l'actu avec tous nos journalistes en France qui vous préparent une info près de chez vous. Voilà, s'il y a des bouchons, vous serez forcément au courant. S'il y a des petits problèmes, s'il y a eu des incidents dans la nuit, si tout va bien aussi, vous le diront. Voilà, on a plus de 60 journalistes qui se réveillent à vos côtés chaque matin. On a bien sûr, dans un instant, ne bougez pas, le grand retour de la question de ouf. On vous a demandé de chanter sur du Laurie, vous découvrirez la version de Ma Meilleure Amie, version Virgin Tonic, la seule qui existe. pas la meilleure, non. C'est la seule qui existe. Restez avec nous, puis je vous dirai comment gagner 50 ans de loyer, bien sûr. L'équipe, ça va? Laure, yes. Clément, Pauline, ça va. Tout va bien? Ça va super. Ok, on est content d'être là. On est très content d'être là. Je viens de voir une info sur le site d'Atlantico. Oui. Bah oui. Eh bien, sachez que le mois de septembre est le mois où les Français le font le plus. À votre avis, quoi? Alors, si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, j'avoue, hein, c'est Baptiste qui m'a envoyé ça sur Facebook parce que justement, je disais que moi, je détestais faire ça. Et du coup, il m'a dit, bah tiens, puisque tu détestes, regarde cette étude. Laure. Ils entament un régime. Est-ce que j'ai parlé de régime ce matin? Merci d'être un petit peu avec moi. Pardon. Laure, merci. Pauline au standard. Déménager. Voilà. Ah, bravo. Pauline, bravo. Bravo. Tu repars avec un bisou esquimau de Clément. Ah, bisou esquimau. Okay. Je vois que tu sais faire des cadeaux. Des beaux cadeaux. Le mois de septembre est le mois où les Français déménagent le plus. Voilà, c'est pas simple de déménager, mais c'est ce mois-là. Peut-être que vous êtes en plein dedans, vous qui êtes en train de m'écouter, Clément. Parce qu'il y a tous les étudiants aussi. Les étudiants, ils changent en septembre, ils ont un nouvel appart et tout. Je suis sûr que ça joue. C'est persuadé parce que nous, on déménage pas sur un coup de tête. Tout à l'heure, je parlais, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, ça a été le cas. Déménager un ami, c'est vrai que je pense être un très bon ami. Les déménagements, j'essaie quand même vraiment d'y couper, ça me plaît pas. Voilà, j'arrive pas à faire l'effort. Mais déjà, moi, déménager, je supporte pas. Des fois, je suis resté longtemps dans des apparts que j'aimais pas trop, juste par flemme de déménager, Laure. Ouais, bah là, moi, je viens de redéménager et c'est la dernière fois parce que j'ai trouvé enfin l'appart de mes rêves, c'est-à-dire que dans, en fait, mon ascenseur, il y a une voix qui dit les étages. Non. Et rien que pour ça, je déménagerai jamais. Ah, c'est sympa. Ah. Bon, c'est ton mec, mais bon. Non, c'est sympa. Rien de chaussée. Ah, c'est génial. Ça, à mon avis, au bout de 3 ans, t'as envie de casser. Donc, ouais. Mais c'est génial, ça. Bah, moi, je sais, ouais, moi, je pourrais plus déménager. Tu sais pourquoi? Non. Ce qui est très rare, je sais, dans les grandes villes, vous qui m'écoutez, peut-être dans les grandes villes, il y a toujours de la place dans ma rue. Ah, c'est bien ça. Dans les grandes villes et à Paris, ça n'arrive jamais. Ma rue, tu viens, tu te gares. Oh là là, c'est sûr, tu viens, tu te gares, c'est sûr. Il y a toujours une place, 2 places, 3 places. Voilà, je peux pas vous dire, peut-être parce qu'elle est piétonne. Ouais. Je comprends pas. Non, c'est incroyable. C'est des petits kiffs comme ça, je suis sûr. Tiens, 39-16, on a plein de monde, on va avoir des filles au téléphone avec nous. Dites-nous, pourquoi vous pourriez plus déménager? Le kiff qui fait que vous adorez votre chez vous, Nico, du bureau. J'allais revenir sur tes places. Là, en fait, maintenant, il y a plus de places livraison que de places normales. Je sais pas comment t'arrives à faire parce que moi, chez moi, par exemple, c'est impossible de se garer parce qu'il y a que des places livraison alors qu'il y a mais quasiment pas de. Moi, je me gare sur les places livraison. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je livre de la bonne humeur. Je livre de la bonne humeur, de la joie de vivre. On me dit, mais allez-y, monsieur. Et après, ils te mettent une amende de bonne humeur, non? Oh là là. J'ai un autre truc qui ferait que je pourrais plus déménager. C'est quoi? Je vous l'ai déjà dit plein de fois, ma voisine d'à côté, elle me fait des petits plats. Non, elle me fait un plat que j'adore. Les calamars à l'armoricaine. Moi, je t'écoute. Oh là là là là là là, j'adore. Elle me fait le riz et tout, elle m'amène ça. On dirait que c'est ma maman qui m'a fait à manger. C'est mignon. Ah, c'est tellement mignon, Laure. Moi, c'est trop bien parce que chez moi, quand je cuisine, j'ai le soleil dans la cuisine de 16 à 19. Donc, pile l'heure à laquelle je fais à dîner, hop, et je bronze en cuisinant. Un rêve réalisé. Ok. Sympa. Donc, peut-être que vous êtes voisin. Si vous voyez une femme qui est en train de. En bikini, en train de cuisiner, c'est Laure, hein. Pas de soucis, Clément. Je voulais juste dire alors qu'on avait le soleil aussi au bureau la journée. Antonio, comment est-ce Antonio? Si, bien. Antonio, est-ce que toi aussi, il y a un petit détail chez toi, ou pas, hein, t'es pas obligé, mais est-ce qu'il y a un petit détail qui fait que tu pourrais plus déménager? Ah oui, moi, ça va être mon garage. J'ai mis, depuis qu'on a emménagé, j'ai mis tous les cartons dedans en débarras et tout. J'ai mis 2 ans à le ranger. J'ai fait une mezzanine, j'ai rentré la voiture... Ouais. Et ensuite, j'ai tout aménagé autour de la voiture. Je vais vous dire un truc. Quand un homme a un garage à son image, il ne peut plus jamais bouger. C'est clair. Ah ouais. Et là, c'est trop la galère. Si je dois déménager, je ne veux pas recommencer ça. Je veux bien refaire les papiers peints du salon, de la cuisine et tout, mais pas mon garage. C'est pas simple de déménager avec ton garage. Non, ça ne marchera pas, Clément. Non, mais tu peux quitter, par exemple, l'appartement et garder le garage. Ça, c'est génial. Ouais, c'est super pratique, bien sûr. Déménage à 5 km et tous les jours, tu vas garer ta voiture à 5 km. Non, mais j'ai un truc à bricoler. Je vais chercher la caisse à outils. Elle est à 5 km. Excuse-moi, c'est un peu long. Audrey, ma chérie, c'est quoi le détail qui fait que tu pourrais pas déménager toi non plus? Salut, ma belle. Salut. Et ben moi, c'est parce que j'ai la mer juste en face de chez moi. Je m'en ai toute l'année. Voilà. Trop bien. Trop bien. Ouais, bah ouais. Trop ça change bien. Tout, quoi. Ouais. C'est marrant, tu vois, je pourrais déménager chez toi et abandonner ma voisine qui me fait des calamars. Je les pêcherai directement, oui, non. Bah, tu vois, moi, j'ai pas la mer, mais moi, j'ai la chambre des enfants à l'opposé de la maison, à l'opposé de la mienne, donc. Ouais. C'est bien pratique. On appelle ça un foyer pour jeunes délinquants. Ça laisse pas normal. Audrey, je t'embrasse fort. Antonio aussi, reste avec nous sur Virgin Radio. Jonas Blue. Perfect Stranger. Restez avec nous à la Scary pour le pop rock électro. On pointe sur l'actu. On est là avec vous dans deux minutes. Your radio. Pop rock. Electro. Info Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous. 11 départements du sud-ouest placés en vigilance orange aux orages violents. Des orages qui vont concerner toute la côte atlantique dès cet après-midi. Ailleurs, le temps restera ensoleillé et chaud. 29 degrés attendus à Caen et Marseille, 30 à Besançon, 33 à Angoulême et Paris. Et ça va nettement baisser demain. Il aura fallu 6 heures aux forces de l'ordre pour reprendre le contrôle total de la prison. Le centre pénitentiaire de Vivonne, près de Poitiers, théâtre d'une mutinerie hier soir. Après avoir subtilisé le trousseau de clés d'un gardien, des détenus ont déclenché plusieurs départs de feu faisant 11 blessés légers. C'est en vue de permission de sortie d'un prisonnier qui aurait déclenché la mutinerie. Le parquet de Villefranche-sur-Saône exclut tout mobile terroriste ou raciste. Un lycéen de 15 ans a poignardé l'une de ses camarades à la sortie des cours hier au lycée Louis Armand à Glaise dans le Rhône. Âgée aussi de 15 ans, la jeune femme qui a reçu plusieurs coups de couteau était dans un état critique hier soir. Les syndicats d'Alstom de Belfort seront reçus au ministère de l'économie cet après-midi. Le gouvernement a pied d'œuvre pour tenter d'empêcher la fermeture de l'usine qui produit des locomotives. François Hollande a demandé à ses ministres de se mobiliser pour qu'il y ait plus de commandes. 400 emplois sont en jeu. François Hollande qui est arrivé en Roumanie hier soir, une visite d'État d'une journée pour préparer le nouveau sommet des 27 qui se tiendra vendredi en Slovaquie. Objectif, relancer le projet européen après la sortie du Royaume-Uni de l'UE. C'est son premier live dans la mythique salle parisienne et c'est aussi la dernière date de sa tournée Summer Tour. The Avenger le 24 septembre à l'Olympia. Virgin Radio est partenaire de l'événement et vous offre des places les toutes dernières jusqu'à dimanche en passant par notre site web. Et autre occasion de voir le producteur niçois sur scène, ce sera bien sûr à la soirée Electrochoc du 6 octobre au Zénith de Paris. C'est le titre qui manque au PSG et c'est l'objectif de ses dirigeants. Le trophée de la Ligue des Champions, début de la compétition ce soir. Les Parisiens reçoivent les Anglais d'Arsenal à 20h45 au Parc des Princes. Les hommes d'Unai Emery ne brillent pas sur le terrain pour l'instant. 7e de la Ligue 1 avec une défaite et un nul au compteur. Autre club français en lice, Lyon et Monaco qui joueront demain. Et puis 3 nouvelles médailles pour la France hier aux Jeux Paralympiques de Rio et pas des moindres. De l'or pour Marie-Amélie Le Fur sur 400 mètres qui avait déjà obtenu le titre suprême vendredi à la longueur. Et puis de l'argent pour deux autres françaises en haltérophilie et en tennis de table. Très bon réveil, vous retrouvez Camille Combat, Laure, Pauline et Clémence sur Virgin Radio. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Les amis, si vous nous rejoignez tout juste, soyez les bienvenus. Vous êtes sur Virgin Radio. On est là à vos côtés, bien sûr, comme chaque matin, 6h, 9h. L'équipe est là. Oui, on a des cadeaux à ne plus savoir qu'en faire. Ah oui. Là, vraiment, vous voulez être gâtés, restez avec nous parce que, alors, avant 9h, il arrive tout. Déjà, iPhone 7. Énorme. iPhone 7, on a essayé de l'offrir. Entre 7h et 8h, on n'a pas réussi. On va vous l'offrir. On va vous l'offrir. Il va falloir gagner un jeu. Ça a été perdant, là, il y a moins d'une heure. C'est le pari d'amis. Le pari d'amis, parier sur l'équipe. Je vous demande si vous pensez qu'ils auront une bonne ou une mauvaise réponse à une question. Et ensuite, vous repartez avec l'iPhone 7. On le précommande pour vous dès aujourd'hui et vous l'aurez en tout premier, parmi les tout premiers en France à l'avoir vendredi matin lors de sa sortie officielle. Et puis surtout, vendredi matin, c'est un jour exceptionnel pour Virgin, pour vous, pour la radio française et pour tout le média FM. 50 ans de loyer. J-3. Vous rendez compte qu'on est à 3 jours maintenant de cet événement, le loyer, les amis. 50 ans de loyer. Le loyer, c'est à 8h20, comme chaque matin. Loyer au 7, 12, 13 par SMS pour vous inscrire. Mais nous, ce qu'on vous promet, c'est de vous offrir 50 ans. L'un ou l'une d'entre vous, grâce au même numéro, en s'inscrivant une fois, augmente ses chances aussi d'être le gagnant du 16 septembre à 8h20. Vendredi matin, on offrira le plus gros cadeau jamais offert sur une radio. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Fou. Ouais. C'est complètement hallucinant. Eh bien, sachez que si j'étais vous, je ferais pareil. Je m'inscris, peut-être le gagnant de 8h20, quoi qu'il arrive, le gagnant de ses 50 ans de loyer. On a aussi un séjour d'une semaine. Oui, Pierre et Vacances. Pierre et Vacances à offrir à des Corinnes. Absolument. Oui. Ok, vous appelez Corinne, vous avez vu le film Corinne a des yeux. La Corinne a des yeux. Bref, tout ce qui est autour de la Corinne, on décline. N'hésitez surtout pas, les amis. Pareil, vous nous appelez au 3916. Le Virgin Tonic, l'émission officielle des Corinnes et de la question de ouf. Question de ouf. Virgin Tonic. La question de ouf, Clément, bien sûr, s'occupe de ça. C'est le répondeur 01 84 07 08 09. On écoute vos messages tous les jours et vos chansons. Exactement, puisque le mardi, on chante ensemble. On aime la chanson française, mais pas que, puisqu'on adore aussi Laurie. On se connaît depuis quelques temps. Même si on se parlait peu souvent. C'est vrai, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je te sens si fragile, le cœur à découvert. J'ai envie. On se dit sous nos moindres secrets, car je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi, n'importe où, quand tu voudras. Je serai toujours la même, un peu poète. Prête à faire des folies, je serai, même si la vie nous sépare. Celle qui te retarde. On a pas mis le plus en jouer à la fin. Hein, oui. 8h08 les amis, c'est mardi, c'est le 13 septembre. Beaucoup de courage à vous tous qui ouvrez les yeux. C'est parti, Jonas Blue, ça c'est pour le pop rock électro. Tonic. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're. Soyez les bienvenus dans le Virgin Tonic, 8h11. On est très très très heureux d'être avec vous chaque matin, mardi 13 septembre. Aujourd'hui, l'équipe est là. Oui. Je vous vous aussi. Prudence, hein, vraiment, si vous êtes sur la route, peut-être pour le travail, peut-être pour déposer les enfants à l'école. On pense en tout cas très fort à vous. Chaque matin, on vous souhaite beaucoup de courage. Et puis surtout, on a lancé un hashtag. Ouais. Oui, ouais. On voudrait vous remercier parce que vous êtes très nombreux derrière votre radio, très nombreux à vous inscrire pour ces 50 ans de loyer. Ça arrive vendredi matin, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Le tirage de 8h20 arrive aussi. Mais surtout, merci d'être si nombreux à réagir sur les réseaux avec le hashtag du jour. Elle est bien cette nouvelle musique de hashtag. Ouais. On la cherche, hein, on la trouve pas notre musique de hashtag. Mais elle est pas mal celle-là. C'est les jeunes quoi. Hein, c'est Wagner. Non, c'est pas. Bah oui, si, bah, c'est Wagner. Si, bah oui, on a cherché la réponse tout à l'heure. Hashtag compte pas sur moi pour. Le truc sur lequel vous êtes peut-être un bon copain, un bon chéri, un bon fils. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des trucs sur lesquels vous savez, voilà, faut pas compter sur moi là-dessus. Hashtag compte pas sur moi pour Clément. Compte pas sur moi pour me battre. S'il y a de la bagarre en soirée, je suis loin derrière, je suis allez-y les gars, allez-y. Et je m'éclipse, j'aime pas trop la violence. C'est sûr. Et pourtant, j'ai un physique de bagarreur. Je suis pareil. Je suis pareil. Moi, je suis pareil, c'est. J'ai pas trop bien consolé. Ah oui ? Non. Toi, je suis très fort à la console. Mais oui. Consoler, je sais pas. Je croyais que l'autre tâche, j'ai cru que consoler, c'était le verbe jouer console. Faites-toi de. Non, ouais, consoler, écouter, machin, je sais pas. Ah ouais. J'écoute et tout, mais je sais pas trouver les bons mots et tout, quoi. Ouais, parce que t'es pudique. Mais oui. Peut-être un peu. Ouais. Timide. Il y a un peu de ça. Alors. Ouais. Bah, moi, faut pas compter sur moi pour les réunions de parents d'élèves. Ouais, bien sûr. J'ai séché cette année. Ah non, mais t'as pas le droit dans mon truc. Non, mais je peux plus, en fait. Les réunions de parents d'élèves, faut savoir que c'est des parents qui d'un coup rentrent dans une salle de classe et ont 12 ans. Et se mettent à poser des questions que même leurs enfants ne poseraient pas. Oui, mais comment elle fait si elle a pas son parent ? Mais son parent. Fille. Non, mais tu sais, il te. Attention ! Oui, Oh là, j'étais pas loin. Regarde la lumière. Hein ? Regarde la lumière. Au bout du couloir ? J'ai juste éternué, c'est pas si grave. Pardon, excusez-moi, je suis allé éternuer et puis pas du tout. Ce qui veut dire que maintenant, à n'importe quel moment, entre maintenant et 9h, ça peut arriver. Du coup, tu t'attends pas à y voir. Clément. Mais est-ce que t'as le droit, si tu le dis pas, d'envoyer d'autres parents ? Par exemple, si moi j'accompagne la fille de Laure, moi ça me ferait marrer d'y aller. Non, mais. Bah, ils vont appeler ça les réunions potes de parents. C'est impossible. Il faut juste changer le nom. Ben, ça marcherait. On a rappelé Antoine, on a rappelé Alice. Salut ma petite Alice, vous aussi, il y a un truc sur lequel on peut pas compter sur vous apparemment. Coucou Camille, bon déjà je voulais te dire je suis trop contente de te retrouver, ça a vraiment été trop long de moi, franchement faut plus nous refaire ça. Oh d'un amour, bah, c'était les vacances, mais c'est vrai qu'on aimerait bien continuer pendant les vacances. Ouais. C'était trop long, sincèrement, ouais, aussi, on a trouvé ça beaucoup trop long, ma chérie. C'est vrai, la fois prochaine, vous faites 2 semaines et ça suffira. Une femme qui me dit que c'est trop long, c'est bien la première fois que ça arrive dans ma vie. Hein. Oui, alors moi, il y a un truc sur lequel on ne peut pas compter sur moi, c'est pour les travaux. Ah, en fait, la dernière fois que j'ai voulu aider des amis, c'était pour de la peinture. Le seul problème, c'est que j'ai un peu trop refait la déco. J'en ai mis sur le parquet, sur les vitres, un peu partout, quoi. Donc, bizarrement, aujourd'hui, on m'appelle plus pour les travaux. C'est fini. Bah, moi, c'est un truc que j'adore. Autant j'en parlais tout à l'heure, hein, quand on a trouvé ce hashtag. Le déménagement, faut pas compter sur moi. Les travaux, j'adore ça. C'est ma grande passion. Nico du bureau. Mon ex, c'était pareil. C'était comme Alice, en fait, parce qu'elle ne préparait pas. En fait, ce qui est dans les travaux, ce qu'il faut, c'est la préparation. C'est le plus important. Il faut mettre les petits scotch sur le parquet. Les petits scotch sur les murs. Faut prendre le temps. Pour faire bien, faut prendre le temps. Eh ouais. Eh oui, les amis, la mise en place, c'est le plus important. Antoine, mon bichon, sur quoi on peut pas compter sur toi, mon pote, salut. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. C'est vraiment plaisir de vous avoir. Alors, moi, il y a un truc, c'est assez gênant, c'est depuis mon enfance, en fait. Pendant les anniversaires, il y a un truc que je supporte pas, c'est chanter la chanson Joyeux anniversaire. Ça me flippe, j'ai des frissons dans le dos et tout, ça me gêne. Donc, du coup, je me mets un peu en retrait, je me cache, je fais semblant de chanter et tout, et voilà, ça passe un peu comme ça. Après, je me jette sur le gars pour lui faire la bise, pour lui donner son cadeau, mais la chanson, c'est net. Hein. Bah, moi, j'ai une variante, j'ai changé, je chante plus la même. Vous chantez quoi, vous ? Joyeux anniversaire. Anniversaire. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Du coup, ça met une ambiance de disant, il est moderne, lui. Mais il fait des anniversaires. Par rapport aux autres aussi. Eh ben ouais, c'est vrai que je suis un peu seul à chanter ça. Mais j'aime bien Clément. Moi, je suis moderne aussi, c'est-à-dire que j'ai pas le problème de chanter, c'est plus au moment d'offrir des cadeaux où là je me barre. Je suis moi. T'es pas bête. Antoine, Alice, je t'embrasse très fort. Restez avec nous sur Virgin Radio, 8h15. J'ai un loyer à vous offrir. Alors, vous l'avez compris, ça arrive dans 2 minutes à peine. Et Man Zen Merlove, vous l'adorez nous aussi. Ça, c'est pour le pop rock électro. Encore une belle matinée à vous à 8h16. Prudence en voiture. la Redoute Intérieure présente pour vous les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, ben dis donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40 euros tous les 100 euros d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40 euros tous les 100 euros d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le La Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Hey, c'est la foire à l'euro chez U. Ah bon ? Hey, regardez comme ils sont mignons, ils sont tout ronds, tout petits. Daniel, vous parlez de qui là ? Eh ben, des petits prix de la foire à l'euro, ah. Et des prix ronds. Regardez, il y en a à tous les rayons. Ah oui, ah oui. Et là, là, et là. Et des petits prix mis bout à bout, eh ben, ça fait de grandes économies. Il y en a encore un là, Daniel, regardez. Il est si petit que j'ai bien failli le rater celui-là. Petit, petit, petit. C'est jusqu'au 24 septembre sur une sélection de produits dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais. Ça passe pas. Smart for Two. Garez-vous enfin là où vous allez. Smart for Two 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Le magique anniversaire de Butte, c'est en ce moment. Le canapé d'angle convertible Osana est à moitié prix. 599,75 euros au lieu de 1189. Un canapé à moitié prix ? Moi, on me dit ça, j'y vais. Butte, c'est nous. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on y va aussi. Quand Louis est coincé dans un embouteillage de 6 km, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C1 Mentos avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 99 euros par mois seulement. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre selon autorisation. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km après un premier loyer de 2300 euros. Offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Ensoleillé ce matin sur tout le pays, mais le temps va se dégrader dès cet après-midi. De la pluie, surtout des orages sur la côte atlantique. 11 départements du sud-ouest viennent d'être placés en vigilance orange. Le temps restera très lourd aujourd'hui. 30 degrés attendus à Rouen et Montpellier, 31 à Antibes, 32 à Grenoble, Poitiers, Reims et Saint-Etienne, 33 degrés à Paris, à Alençon, 34 à Orléans et Clermont-Ferrand. On pourra de nouveau respirer dès demain. Nette baisse du mercure. Très bon réveil à tous. Virgin Radio. Virgin Radio. Kungs au 88 000. Venez danser sur This Girl de Kungs versus Cooking on Three Burners. Envoyez Kungs, K-U-N-G-S au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez This Girl, le carton du moment de Kungs en sonnerie. Kungs au 88 000. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Tout le monde prend des photos avec son smartphone. Mais les utilisateurs de Printic, eux, en font de vrais souvenirs. Avec Printic, imprimez vos photos depuis votre téléphone. Format vintage, carré, magnette déco, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Vite, rendez-vous sur l'appli Printic ou sur printic.fr. Actuellement, 25% de remise avec le code MAPHOTO. Printic, tes photos en trois clics. Beau gosse, il a du style, du charme. Et c'est votre homme. Vous êtes sûr ? Proche au 72021. Est-il honnête ? Est-il fidèle ? Envoyez Proche, P-R-O-C-H-E, au 72021 et découvrez s'il est sincère avec vous. Vous aimeriez être sûr ? Envoyez Proche au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Le nouveau Feder. Le nouveau Shawn Mendes. I know I can treat you better than he can. Petit biscuit, petit biscuit. Le nouveau Felix Jean. I am the bonfire, you make me stronger, you make me lighter. Virgin Radio. Rock Electro. Tout de suite, tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Salut à tous et bienvenue si vous arrivez tout juste sur Virgin Radio, 8h21. Je vous souhaite encore une belle matinée à vous, je le sais, qui partez bosser. Vous qui êtes déjà aussi peut-être hein, à cette heure-ci, à 8h21, beaucoup de gens commencent à travailler. Quoi qu'il arrive, vous vous retrouvez tous à un endroit. C'est sur le SMS, loyer au 7-12-13. Vous espérez tous être tirés au sort, c'est bien normal. Un seul numéro qui existe, on tire au sort à 6h20, à 7h20 et à 8h20. On est la seule radio à vous rembourser votre loyer, votre mensualité de crédit. On fait le chèque, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous le dépensez comme vous voulez. C'est parti. Je rappelle qu'on a eu Mathilde, on la réembrasse à 6h20. Puis Benjamin à 7h20, 1828 euros de loyer déjà offert ce matin. Et on y va. Troisième, dernier tirage au sort de la matinée. Je vous souhaite bonne chance à tous. Quoi qu'il arrive, aucun SMS a été envoyé pour rien. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Allô ? Allô, bonjour, qui est là ? Hélène. Hélène, bonjour, j'ai une question pour toi. Bonjour, oui. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin Radio. Hey ouais. Oh, je crois pas, sérieux. Bravo. Eh ouais. Ah, merci, bien, cette c'est chanson. Cool. Mais t'es bien. Non, il y a une belle chanson avec Hélène. Je vais pas avoir du bol pour une fois. Eh ben, tu vois, t'as de la chance, ma belle. T'as de la c'est chance. Cool. Et je suis très heureux. Merci. Ah mais non, j'aimais Hélène, c'est Émilie Jo Dassin. Je suis bête, j'aimais sa chanson de Jo Dassin. Sur le sable, les aiguilles. Alors ça, c'est Rock Voisine, et il a effectivement une chanson qui s'appelle Hélène, mais c'est pas celle-là. Sinon, il y a Hélène. Mais c'est Rock Voisine. Bah oui, Hélène, elle s'appelle Hélène, on connaissait. C'est seule sur le sable. Bah oui, seule sur le sable, les yeux dans l'eau, c'est pas du tout Hélène, mais Rock Voisine. Ma petite Hélène, bon, on va te trouver une chanson. Pas de panique, on va te trouver une chanson. Le plus important surtout, c'est que je te rembourse ton loyer. Tu habites où ? J'habite à Douai, dans le Nord. Très bien. Et il est de combien, ton loyer ? Oh, environ 900 euros, à peu près. Eh ben, très bien, ma belle. Je te fais un chèque de 900 euros, et puis tu l'as compris. Quoi qu'il arrive, tu es, ça y est, inscrite, comme tout le monde, hein, comme vous tous aussi, hein, qui vous inscrivez depuis ce matin et depuis 15 jours pour participer au loyer. Même si vous m'avez envoyé 10 SMS, eh ben, vous êtes 10 fois inscrit pour le grand tirage au sort de vendredi. 50 ans de loyer. J-3. Ah oui, vendredi, J-3. On a 3 jours de vendredi. C'est ça. Exactement à 7h-ci, à 8h23. Je serai en ligne, Hélène, peut-être avec toi. En tout cas, avec le gagnant, avec la gagnante du plus gros chèque jamais offert sur une radio en France et peut-être même à l'étranger, puisque je ferai un chèque d'un montant de 50 fois votre loyer. Hélène, t'as un loyer de 900 euros, ça veut dire si je te reprends au téléphone vendredi, je te ferai un chèque de 540 000 euros. J'avais déjà calculé. Et j'ai un autre cadeau pour toi, Hélène. Oui. Écoute bien. Ma chanson. Le sable, les bah, c'est toujours la même. Mais oui, c'est la bonne. En fait, on s'est trompé. Si c'est la bonne. Non, on s'est pas trompé. Non, tu s'es trompé. Non, ce qui est bien, Dine Bédi, c'est on s'est trompé tous ensemble. Parce que vous étiez tous avec moi à me donner raison. Non, tu t'es trompé de oui, ton bon, côté. Ça va, j'assume. Ma belle, on est encore tout, très ravis de t'avoir parlé. Et puis, désolé pour tous ceux qui n'ont pas été tirés au sort, mais rassurez-vous, voilà. C'est peut-être ce SMS-là que vous m'avez envoyé ce matin qui vous permettra d'être le gagnant vendredi matin. Des gros bisous, Hélène et Manzel Merlov, tout de suite sur Virgin Radio. Bon réveil. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. Je rigole. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Should've left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. Should've gone home. How hard can it be to say? Belle matinée à vous tous, les amis. 8h27, c'est le Virgin Tonic. Dans quelques minutes à peine, restez là, un point sur l'actu avec tous nos journalistes en France qui sont à nos côtés, bien sûr, chaque matin et qui vont aussi vous donner du courage. Je sais qu'à ce temps, si vous êtes en voiture, vous êtes peut-être arrivé au boulot. On pense très très fort à vous. Et puis, juste après, ce sera le réponse à tout de Clément Lincruste quand il descend dans la rue poser des questions aux enfants. Tout à fait. Attention, j'ai envie de jouer avec vous tous. À quoi ? Oui, on l'a pas fait depuis quelques jours. Je l'ai là sous le coude. On va jouer au tac au tac. Ah, ouais. On a un jingle ? Bien sûr. Bien sûr, mais incroyable. Alors, on a un jingle et je vous explique ce que c'est. On aurait pu ne pas avoir de jingle. Attention, il est bien. Je voudrais qu'on joue aussi avec quelqu'un au standard. On n'a qu'à prendre Émilie. Bonjour, Émilie. Bonjour. Émiloche, comment tu vas ? Eh bien, écoute, ça va très bien. Émiloche, tu vas jouer avec nous. Attention, d'accord. Tiens-toi prête, Émiloche. C'est très simple. Je te donne un mot. D'accord ? Et ensuite, vous tous. Alors, Émilie, bien sûr, mais Laure aussi, Clément et la popo du standard. Oui. Vous devez tous me dire le premier truc auquel ça vous fait penser. Ok. D'accord ? Ne notez rien, c'est comme ça, c'est spontané, c'est dans la tête. Émilie, on finira par toi. On fait Laure, Clément, Pauline et toi, d'accord ? D'accord. Le premier mot, 50 ans. Laure. Loyer. Ma mère. Ma mère. Ah non, on répond pas pareil que les autres. Non. Bah, c'est nul. Mais moi, je pense à eux. Émilie. La Porsche 911 50 ans. La quoi ? Qu'est-ce que c'est ? La Porsche 911 limitée 50 ans. Ah ben non, on a bon goût chez nous. Ma petite Émiloche. Alors attention, déjà Émiloche, il n'y a aucun moyen de donner des mauvaises réponses, sauf quand on répond comme les petits copains. Voilà. Ouais. Attention, on y va, deuxième question. On y go. Je vais vous demander. Bush. À quoi ça vous fait penser, Bush ? Laure, allez. Rouge à lèvres. Président. Embrassé. Émilie. Bush. Parler, ok, très bien. Pas mal, Bush président, pas mal. Bah, c'est le premier truc qui m'est venu. Pas mal. Attention. Un ou une ex. Je vous dis ex, à quoi ça vous fait penser, Laure ? Con. Bonheur. Bonheur. Pervers. Pervers ? Ouais. Émilie. Amour. Et ben voilà. Il y a deux. Il y en a qui ont des bons souvenirs, il y en a qui en ont des mauvais. Ah ouais. Attention, lit. Je te dis lit, Laure. De sieste. Sexe. William. Oh. Bah quoi ? Émilie. Petit déjeuner. Petit déjeuner, lit. Petit déjeuner, lit. Il y a vraiment, il y a plein de vies qui viennent de se montrer là. Émilie, elle, le lit, c'est pas pour machin, c'est pour se nourrir. Laure, c'est pour dormir. Clément, c'est pour un fantasme. Hein. Ah, on n'est pas là pour dormir non plus. Bah ouais. Et puis Pauline avec William. Hein. Et mon petit copain. Et voilà, le petit copain William la cartouche, comme on l'appelle. Un rendez-vous, une cartouche. Bah, et c'est le principe avec Willou de Bordeaux. Hein. Ah non. Avec le mec de Pauline, je rappelle. Émilie, hein. Je t'embrasse très fort. Merci d'avoir joué avec nous. 8h30, un point sur la cul. Tous les journalistes ils vont devoir enchaîner après ça. Ouais. On revient juste après avec le pop rock électro que vous aimez aussi, c'est Kongs. Avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, du soleil encore sur quasiment toute la France, mais le temps va se dégrader. Des orages attendus sur la côte atlantique dès cet après-midi. 11 départements du sud-ouest viennent d'être placés en vigilance orange. Les températures resteront chaudes, 30 degrés attendus à Rouen et Montpellier, 32 à Grenoble et Poitiers, 33 à Paris, 34 à Orléans. Le calme est revenu tard hier soir à la prison de Vivonne, près de Poitiers. Le centre pénitentiaire était le théâtre d'une mutinerie qui a duré près de 6 heures. Des détenus qui ont pris le contrôle du deuxième étage après avoir subtilisé le trousseau de clés d'un gardien. Ils ont déclenché plusieurs départs de feu. C'est un refus de permission de sortie d'un des détenus qui aurait provoqué la mutinerie. On ignore pour le moment les raisons de son geste. Un lycéen de 15 ans a poignardé l'une de ses camarades hier à Glaise dans le Rhône. Plusieurs coups de couteau dans le dos alors que la jeune femme âgée aussi de 15 ans sortait de l'établissement. Son agresseur a été interpellé. La victime était dans un état critique hier soir. Cela fait maintenant plusieurs années que ça dure et ça se confirme encore une fois. Acheter son logement n'a jamais été aussi rentable et ça grâce au taux d'intérêt très bas. La preuve encore ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France qui publie les chiffres du site meilleurtaux.com. Il fallait 4 ans en moyenne l'année passée pour rentabiliser l'achat d'un logement de 70 mètres carrés par rapport à une location. C'est passé à 2,5 ans cette année. Un an suffit au Havre et à Limoges, 6,5 ans à Paris. We'll be right back. Hillary Clinton, rassurante hier soir sur la chaîne CNN, la candidate à la présidentielle américaine a assuré qu'elle allait bien alors que les spéculations fusent sur son état de santé depuis son malaise dimanche à New York. Soignée pour une pneumonie, Hillary Clinton doit reprendre sa campagne cette semaine. Le football, du beau spectacle en perspective ce soir au Parc des Princes. Le PSG reçoit Arsenal à 20h45 pour la première journée de la Ligue des Champions. Les hommes d'Unai Emery sous pression alors que leurs résultats en Ligue 1 ne sont pas flamboyants. Un partout vendredi dernier face à Saint-Etienne. Deux autres clubs français sont également en lice. Lyon et Monaco qui joueront demain. Le tirage au sort hier des 16e de finale de la Coupe de la Ligue avec plusieurs chocs entre clubs de Ligue 1. Notamment Nantes-Angers, Nancy, Caen et Rennes-Lorient. Marseille jouera à Clermont. Ce sera les 25 et 26 octobre. Et puis deuxième médaille d'or hier aux Jeux Paralympiques de Rio pour Marie-Amélie Le Fur. Après la longueur vendredi, la Française a remporté le 400 mètres hier. Deux médailles d'argent également pour la France en haltérophilie et en tennis de table. Les Jeux se poursuivent jusqu'à dimanche. Très bon réveil, c'est Virgin Tonic jusqu'à 9h. Vous retrouvez Camille, Laure, Pauline et Clément. Excellent réveil à vous tous, merci d'être là sur Virgin Radio, plus nombreux chaque matin. On vous remercie vraiment de votre fidélité, à tous les nouveaux venus aussi qui arrivent encore ce matin. Ça nous fait très très très plaisir. S'il y a encore un enfant dans votre voiture, c'est que vous êtes en retard. Ouais. Alors qu'il faut le parachuter devant son école. Courage en tout cas et prudence à vous tous, qui êtes en voiture. Il y a Laure, il y a Clément. Bonjour. Il y a la popo du standard. Coucou. Il y a l'iPhone 7 à gagner. Maintenant, on vous l'offre l'iPhone 7 avant 9h. Il va falloir à nouveau parier sur cette équipe de bracasse. Et peut-être ils vont vous permettre de repartir avec cet iPhone. C'est le pari d'amis. Ça arrivera avant 9h. Restez dans le coin. Et puis surtout, vous le savez, depuis ce matin, j'ai décidé que nous serons officiellement la radio officielle des Corinnes. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je voulais offrir un beau cadeau à une Corinne. Une semaine de vacances. Vous appelez Corinne, vous m'appelez. 39-16, on en a eu plein. Oui. On en a une qui est au téléphone. Bonjour Corinne. Bonjour à tous, salut Camille. Ça va ma coco? Ça va super bien, enfin, ça ira encore mieux dans 5 minutes forcément. Bah ouais, t'habites où Corinne? J'habite à côté de Lyon. À côté de Lyon, où ça exactement? Dans le Beaujolais, Villefranche-sur-Saône. On connaît un peu le coin. Ma petite coco. Dis-moi tout. Tu t'appelles Corinne, et ben t'as gagné. Oui. Ouais. Oh, ouais. Une semaine c'est en pierre et vacances. Le top du top, mais bon, c'est comme ça, je l'assume. Mais au contraire, on adore ce prénom. Mais oui. Ouais, c'est ça, oui. Mais je te jure, attends, j'ai plein de cousines qui s'appellent Corinne, mais en plus, je sais même pas d'où ça a démarré. Parce que t'as toujours aimé ce prénom, quand de temps en temps tu fais gagner une petite Corinne, et nous on aime bien ça. Voilà. Alors en plus. Qui aime bien, châtie bien, c'est ça, non? Mais arrête de dire ça, en vrai de vrai. Oh là là. J'adore les Corinnes. Ça rien un petit peu, pour une fois. Et puis je vais dire un truc, quand on s'appelle Camille, on peut charrier un garçon. J'adore ce prénom. Ah ouais, c'est ça. Pour un garçon, mais bon. Fous-toi bien de ma gueule. Bien moqué de moi. Voyons. Y'a pas de soucis, Corinne. Eh ben tu gagnes rien. Viens de vérifier, apparemment tu ne t'appelles pas Corinne. Corinne, ma chérie, je suis très heureux pour 4 personnes. En plus, très beau cadeau. Pierre et vacances, tu vas où tu vas en France, d'accord? Bah super, merci beaucoup. Bon, et au revoir. Même pendant les. Faut le dire quand même, parce que c'est pas un truc à rien. Même pendant les périodes scolaires, tu peux aller en pleine vacances de Noël ou un bel appart au pied des pistes. Tu te fais plaisir, c'est quand tu veux, d'accord, ma belle? Eh bah écoute, super. Merci à tous en tout cas, puis je suis vraiment ravie de jouer avec vous. Eh bah t'as un an, je t'embrasse très très fort, ma coco. Merci d'être avec nous. 8h35 tout de suite, et avant d'écouter Kungs, c'est l'heure du Réponse à tout. Réponse à tout. Eh oui, le Réponse à tous les amis. Clément descend dans la rue, pose des questions aux enfants. Et ce matin, je leur ai demandé s'il valait mieux dans une famille être l'aîné, le cadet ou le petit dernier. Est-ce que c'est mieux d'avoir des petits frères et sœurs ou des grands frères et sœurs, à votre avis? Bah, vaut mieux être au milieu. Pourquoi? Parce que c'est mieux, tu te fais moins punir. C'est quoi la technique? T'accuses tes petits frères ou tes petites sœurs, ou tes grandes sœurs. Par exemple, tu coupes ton doudou et tu donnes les ciseaux à ton frère. Comme ça, t'appelles ta maman et tu dis que c'est ton frère qui l'a coupé. Et lui, il se fait punir. Oui. Ben, moi, je préfère avoir une petite sœur et un petit frère parce que ma sœur, elle est énervante. Parce qu'elle dit trou du cul. Ah, elle dit des gros mots? Oui. Ah, bah bravo. Et du coup, elle t'apprend des gros mots? Oui. Et si t'en dis, c'est de sa faute? Oui, et la faute de papa. Et toi alors? Des petits frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les grands frères, comme parce que j'en ai un, et ben ça nous embête tout le temps. Et c'est très très très énervant. Et les petits frères s'embêtent pas? Si, quand même. Il vaut mieux être toute seule en fait. Oui. Réponse à tout. Merci d'être là chaque matin, le retour du Réponse à tout demain exactement à la même heure sur Virgin Radio. Et vous vous réveillez avec nous, vous avez fait le bon choix, c'est aussi le pop rock que vous aimez tous les matins dans le Virgin Tonic avec Kungs. Bon réveil. Radio 9h-20. Belle matinée à vous tous. Vraiment, c'est mardi aujourd'hui, le 13 septembre. On vous souhaite beaucoup de courage. Vous qui êtes au taf, vous qui êtes encore en voiture. L'équipe est là, bien sûr. Oui, oui. Rihanna est là aussi dans un instant. Diamonds. Tout de suite. Eh ben, soyez patients, il va falloir nous supporter 5 minutes avant de pouvoir écouter Rihanna, mais rassurez-vous, elle arrive. Qu'est-ce qu'on a un petit peu à la télé ce soir? Alors, à la téloge ce soir. Alors, on a peu le temps de faire le tour de tout, mais je voulais vous parler d'un film que j'adore. Parce que, alors, on a parlé, si vous êtes avec nous depuis 6 heures, de l'événement sur France 3 avec l'adaptation de Thor, Capitaine Marteau. Et l'épisode brouillard, c'est quoi l'épisode brouillard? Brouillard en thalasso. Ah. Brouillard en thalasso. C'est déjà. C'est un quoi. La thalasso, c'est chiant. Tu sais qu'il y a une série autour de la thalasso. En plus, ce jour-là, il fait du brouillard, quand même. Et donc, c'est Capitaine Marteau. Il y a du foot aussi, il y a la Ligue des Champions. Oh, mollo. Il y a surtout, il en pense quoi, Camille? Je sais pas, mon poste. Le foot, ça va, à un moment donné. Non, mais à 21h. Oui, oui, oui. Commence de plus en plus tôt, ces footballeurs. Ils veulent rentrer tôt à la maison, ils veulent manger un plat de pâtes très tôt, ils commencent de plus en plus tôt, ceux-là. Puis, il y a les gamins. sur la télé. Vous connaissez ce petit gamin? Alors, c'est trop bien. Ah, je crois que c'est un de mes films français préférés. Trop bien. Ah, je vous jure, j'adore. Vraiment, avec Alain Chabat, Max Boublil, il est à mourir de rire, ce gamin. Oui, Laure. Parfois, il me fait penser à mon chéri Chabat dans ce film. Pourquoi, c'est encore un gamin? Ça peut arriver. Non, mais par exemple, on a joué au tarot ce week-end. Et lui, c'est vraiment un gamin. Non, mais attends. Tous les gamins jouent au tarot, quoi. C'est vraiment. Ne dit-on pas le fameux jeu de tarot go? Non, mais quand il perd, il dit bon, c'est bon, je joue plus, moi. Comme les enfants de 6 ans, en fait. Ah, moi, je peux être mauvais perdant aussi. Ouais. C'est pour ça que je perds jamais. Ah, ouais. On a tous des trucs de... alors, pardon Clément, hein, de notre chérie. Hein, peut-être c'est le moment d'aller manger un sandwich. Vous laissez. Ça va moins de ce dont on va parler va moins de concert. Oh, le chaos. On va prendre un pain au raisin. Parce que c'est vrai que tous nos chéris, notre chérie, on a tous un truc... Alors, moi, je suis très gamin. Hein, je suis vraiment un gamin de 34 ans. Oui. Bientôt 35, mais 34. Et je sais que voilà, nos chéris, elles ont toutes... Ou ils ont tous des moments où ils sont très gamins. C'est vrai. Donc, toi, il est mauvais perdant. Ah, mais on dirait qu'il a 7 ans. Pauline, c'est quoi, toi, quand tu retrouves les anciens combattants de 39-45? Est-ce que ça devient de vrais gamins? Non, moi, c'est quand ils se balancent sur ça. Quand ils sont avec le 4e d'infanterie, de toute façon. Tu peux pas les tenir. Lâche, tu te rappelles à Verdun, quel rigolade. Non, moi, c'est quand il se balance sur sa chaise, en fait, que je suis obligée de lui dire qu'il va tomber s'il continue. On appelle ça un rocking chair. J'en ai marre. Le pauvre. Mais il nous entend pas. Fanny, ma chérie, bonjour. Est-ce que, alors, je peux te poser déjà une question, ma Fanny, au 39-16. Est-ce que t'es en couple ou pas? Oui, je suis en couple. Est-ce qu'il y a un moment donné où ton ou ta chérie est un vrai gamin? Oui. Alors moi, en fait, il collectionne les figurines Star Wars. Ah oui. Donc ah à chaque fois qu'on va dans un centre commercial ou quoi, il se précipite dans les rayons jouets et il regarde s'il y a des nouveautés ou s'il y a quelque chose qu'il n'a pas. Ah oui. Bon, moi, ma chérie regarde toujours les dessins animés. Ah, moi aussi, j'adore. Ah ouais? Ouais. Genre les cafards là. Regarde. Oggy et les cafards. Ouais, bah, ah ouais, ouais. C'est trop bien. Regarde ça. C'est trop bien. Dingue. C'est trop bien les dessins animés. Bah, elle a mon âge quand même. Moi, ouais, ah, je regarde plus du tout, hein, Clément. Non, mais ils sont de plus en plus drôles, les Bob l'éponge et les choses comme ça. Mais c'est oui, hyper bien écrit, c'est marrant. Mais maintenant. Oui, ouais, après, c'est peut-être parce que je suis célibataire. Ah ouais, parce que moi, j'ai un pote, il m'a dit, tu devrais regarder Bob l'éponge, le film, c'est marrant. Bon, au bout de 6 minutes, tu dis, bah non, en fait, on est à côté de la plaque. Bob l'éponge carré. Avec la chanson. Bob l'éponge, le film. Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré. C'est hyper bien. Non, je m'excuse. Alors, je sais qu'il y a plein de fans, je passe à côté. Voilà, bah il y a des choses, on passe à côté. Bob l'éponge, je suis plus Scotch Bright. Je suis passé à côté. Bob l'éponge, oui, Nico du bureau. Moi, j'ai un pote avec qui on est un pote depuis plus de 10 ans. On a regardé Retour le futur, on a regardé tous ces films-là. Et puis ce week-end, on était ensemble avec nos enfants, du coup. Et les enfants, ils regardaient Peppa Pig. Et on a dit. C'est pas mal ce truc quand même. Mais si, mais je te jure. Mais je connais pas Peppa Pig. Bah, Peppa Pig, c'est le truc que les gamins ils adorent maintenant, effectivement. Et tu regardes le truc, tu fais ouais, c'est ça se regarde. Alors ok, donc tu peux regarder ça, Laure. Ouais, mais tu vas voir quand t'auras des enfants, ça te donnera l'occasion de les regarder. Et c'est une deuxième jeunesse. Je veux dire, en vous ayant tous les matins, j'ai l'impression d'avoir déjà des enfants. Je vous cache pas. Besoin de faire de la garderie pendant 3 heures. Je suis épuisé. Merci ma petite Fanny. Je t'embrasse très très fort, ma belle. Restez avec nous sur Virgin Radio. Plein de choses qui arrivent. J'ai un iPhone 7 à vous offrir. Oui. Et puis surtout Rihanna tout de suite. Diamonds. Bon réveil. Il y a que chez nous vous entendez du bon son comme ça. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt energy. I saw the life inside. So shine bright. to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine. Sur Virgin Radio, merci de nous avoir choisi les copains. 8h48, on est là en direct avec vous chaque matin. Est-ce que l'équipe est là? Oui. J'entends pas, est-ce que l'équipe est là? Oui. Ok joueurs, tout est mon l'air. On est avec vous jusqu'à 9h les copains. Prudents si vous êtes en voiture, on est tellement heureux d'être là avec vous chaque matin. Mardi 13 septembre aujourd'hui. On revient dans un instant, c'est l'iPhone 7 qu'on vous offre. C'est comme ça tous les jours. Vous pouvez vous inscrire au 3916 pour jouer avec nous au Paris d'Amis. Ça arrive dans 2 secondes, puis plein d'autres choses encore. On est là avec vous toute la journée sur Virgin Radio avec le pop rock électro que vous aimez. Bougez pas. Tous les matins de 6h à 9h. C'est du Camille Virgin Tonic. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais. On est arrivé. Tu descends, chérie, je vais chercher une place. Smart42, garez-vous enfin là où vous allez. Smart42, 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois, 40 000 km, sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Leclerc. Ouais, vive la rentrée. 40% de réduction immédiate chez Leclerc. Enfin, Philippe, c'est quoi tout ce refus? Ah, bah 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc. Et sur deux nombreux produits. Des rentrées comme ça, moi j'adore. Ah bah dis donc. Est-ce que quelqu'un aurait envie de quelque chose? Je vais faire un saut chez Leclerc. C'est parce qu'à la rentrée, on a encore envie de se faire plaisir que chez Leclerc, du 6 au 17 septembre, vous bénéficiez de 40% de réduction immédiate sur de nombreux produits. 20 modalités dans les magasins participants. Ah c'est vrai que 40%. Voilà, vive la rentrée chez Leclerc. Comme pas mal de jeunes diplômés, Romain a longtemps cherché un premier poste. Il a cherché parmi toutes les entreprises qui pouvaient l'intéresser. Il a cherché comment avoir le meilleur CV. Puis il a cherché sur Le Bon Coin. Et grâce à ça, aujourd'hui il cherche encore, mais pour un grand laboratoire. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Le mois Carrefour. Il y a de nouvelles promotions renversantes avec le mois Carrefour. On y va? Jusqu'à lundi, pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Comme sur les tablettes lave-vaisselle Sun et encore plein d'autres produits de marque. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'était trop bien, on y retourne. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'au 19 septembre, sur de nombreux produits de marque, pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Valable sur les tablettes lave-vaisselle Sun, tout en 1x60. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Faites demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 175 euros par mois. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre selon autorisation. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km. Après un premier loyer de 2100 euros, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantages cartes sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. But présente le magique anniversaire et son grand jeu 100% gagnant. Envie d'une voiture, d'un séjour à la mer, au ski? Eh bien venez. En ce moment, il y a 1 million de cadeaux et tout le monde gagne en magasin. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voire modalité en magasin et sur but.fr. Chérie, tu m'offres une voiture? Bah non. Bon bah ok, moi je vais chez But. Nouveauté. Virgin Radio. Se dessine. Courage, c'est fort. Où rien ne respire. Corps contre corps. Ciel contre cime. La forêt se tord. L'horizon soupire. T'aimer sur les bords. Ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Si demain tu regrettes, le miroir écorché, que le lac te reflète, promets-moi d'oublier, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio, le nouveau Feder. Le nouveau Shawn Mendes. I know I can treat you better than he can. Petit biscuit. Petit biscuit. Le nouveau Felix Jean. I am the bonfire. You make me stronger. You make me lighter. Virgin Radio. Pop. Rock. Electro. Pour se réveiller, Virgin Tonic. Les amis, on est de retour sur Virgin Radio. Bienvenue à tous, 9h05 les copains. J'espère que tout va bien pour vous. Nous on est ici bien sûr jusqu'à 9h et même 9h passées chaque matin à vos côtés sur Virgin Radio. Tout va bien l'équipe? Oui. 9h05, je sais que vous êtes nombreux déjà au travail. D'autres sont encore sur la route. On vous souhaite en tout cas énormément de courage. Et puis attention, attention puisqu'on n'est pas parti. On n'a pas eu la chance de l'offrir encore ce matin. Ça fait depuis 7h qu'on essaie de l'offrir. On a un iPhone 7 à vous offrir chaque jour. Évidemment, on le précommande. D'accord, on le précommande et puis vous le recevez vendredi matin. Vous l'aurez en même temps que tous ceux qui ont dormi pendant 3 jours devant un Apple Store. La classe. C'est quand même la classe. J'ai pris une porte dans la tête, je crois que mon nez est cassé. Il semblerait. Mais je finirai. J'ai quand même réussi à boxer contre Brahim Asloum hier soir. Et là, je crois que je me suis cassé le nez. Ah non, tout seul en fait. Bon, pas tout seul. Quand tu as des amis comme les miens, t'as pas besoin d'ennemis. Je vous le dis. Vraiment, je vous le dis. Les amis, attention, c'est Mode qui a été tiré au sort pour ton 39-16. Ça va ma petite Mode? Ça Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut ma belle. Ma petite pote, attention, on y va, c'est le pari d'amis. Je vous explique tout ça dans un instant. Virgin Tonic, Clément, Ginger, Laure, Folie, Nico du bureau. Le pari d'amis, c'est très simple. Toute l'équipe de Bracasse en face de moi, Clément, Laure, Ginger, Pauline, sont en train de quitter les lieux. Nico du bureau également. Ils sortent du studio, dans le studio, ils n'entendent rien, on ferme la porte. Vous tous qui nous suivez sur les réseaux, je sais que vous aimez beaucoup ce jeu d'eau aussi, ça tombe bien. Mode, ma chérie, je vais te poser trois questions. Trois questions de culture générale. Peut-être que tu auras la réponse, peut-être que tu ne l'auras pas. Quoi qu'il en soit, peu importe, puisque l'important, c'est de savoir si les personnes de l'équipe auront cette réponse, d'accord ? Ok, ça va. Attention, ma petite mode, on y va, première question. Je vais te poser une question assez simple. Je vais te poser la question de savoir quelle est la comédienne française très connue qui a été découverte dans le film La Boum en 1980. Sauf que, mode, je vais te demander de trouver quelqu'un dans l'équipe qui n'a pas la bonne réponse selon toi. Oh là là, ils connaissent tout ça. Je dirais aller peut-être Nico du bureau. Nico du bureau, c'est valide. On croit souvent que Nico du bureau n'aura pas la bonne réponse. Il a toujours des bonnes réponses. Ouais. Deuxième question. Ma petite mode, écoute bien. Avant de les refaire entrer, il y en a trois. Combien y a-t-il de cases sur un damier? Un jeu de dames. D'accord. Je vais te demander quelqu'un qui a la bonne réponse. Je dirais Laure. Laure, tu penses pas avoir la bonne réponse. Très bien. Et enfin, dernière question. Tu connais forcément Roméo et Juliette. Ouais. Je vais te demander le nom de famille de Juliette. Il y a les Montaigu, il y a les Capulet. Mais on sait jamais bien qui est qui. Eh bien, je vais te demander de me trouver quelqu'un qui a la bonne réponse. Ah. Pauline. Pauline, c'est valide. J'ai Laure, j'ai Pauline, j'ai Nico du bureau. On peut les faire rentrer. Revenez, les copains. Attention avec les portes, elles sont très lourdes. Faites très attention. Les amis, attention. La première question, elle concerne Nico du bureau. Ah. Question très simple. Est-ce qu'on va me faire confiance cette fois? J'ai posé à mode une question. Question pas si simple que ça, ça remonte. Ça date de 1980. On va parler du film La Boum. Ah. Oula. Et évidemment, dans le film La Boum a été découverte une immense comédienne. Bah oui. Oui. Quelle est-elle? Je rappelle. Voilà la question, réponds. Ah bah Sophie Marceau. Sophie Marceau. Évidemment. Bah oui. Et c'est une bonne réponse, mais je cherchais quelqu'un qui n'a pas la réponse. J'ai l'impression que l'équipe ne sait pas, donc eux ils répondent et ils savent pas. Mais on croit toujours que Nico n'aura pas la bonne réponse. Je donne toutes les bonnes réponses depuis le début de ce jeu. Je l'ai dit. Figure-toi que je l'ai dit. Alors attention, deuxième question, ça concerne Laure. Laure, mode t'a fait confiance. Elle a décidé de te choisir. Peut-être parce qu'elle pensait que tu aurais la bonne, peut-être la mauvaise réponse. Je lui ai demandé combien il y a de cases sur un jeu de dames, sur un damier. Combien il y a de cases? Ça démarre bien. Beaucoup de flair. C'est pas 44. Histoire de 44. Dire 44. Eh bien, on n'est pas loin du tout. 100. Bah, 10 par 10. On cherchait quelqu'un qui a la bonne réponse. Oh non, désolé. Tout va se jouer sur cette dernière question. iPhone 7 ou pas iPhone 7, c'est aussi simple que ça. Et tout va reposer sur les épaules de Pauline du standard. Oh là là. Pauline du standard, on t'a fait confiance pour cette dernière question. Ouais. Et peut-être qu'elle pense aussi que tu aurais pas la bonne réponse. Bah ouais, j'espère. Bah on sait pas encore. Tu as forcément vu le film Roméo et Juliette, tu as peut-être également lu l'œuvre. On va parler de Roméo et Juliette. Oui. Si le pari de mode est bon, elle gagne un iPhone 7. Si le pari de mode est pas bon, eh bien, elle repart une main devant, une main derrière. Dans Roméo et Juliette, il y a Roméo et il y a Juliette. Oui, effectivement. Quel est le nom de famille de Juliette? Je sais, moi. Ah ben, non, mais hop, on dirait, il y a l'équipe, hop, Ginger et tout. Non, c'est pas juste. Là, je veux pas de triche dans l'équipe. Hop, le jeu, les journalistes aussi. Je vois tout le monde veut dire. Moi, je l'avais aussi. C'est soit les Capulet, soit les Montaigu. Merci à toi. Le principe de la question, c'est que c'est un des deux, bien sûr. On ne regarde pas. Arrêtez, tournez le truc. Arrêtez de la regarder. Oh, quelle équipe de tricheurs. Tu es seul face à mode, face à la France, face à ta prof de français aussi. En plus, j'adore ce livre et le film avec Leonardo. Là, Il faut te lancer. Le nom de famille de Juliette. Le film avec Leonardo, il s'appelle Roméo et Juliette. Le livre, en plus, elle dit j'adore le livre avec Leonardo. Mais bah, non, c'est un livre, c'est une pièce, mais c'est un livre. Mais oui. Allez. Montaigu. Pour toi, c'est Juliette Montaigu. Capulet. Oh non. Et malheureusement, c'est Juliette Capulet. Et on cherchait quelqu'un qui est la bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Ah. Mais. Ah oui, il faut faire quelque chose. L'iPhone 7, c'est trop beau. Oh non. Eh bien, il n'y a qu'un truc à faire. Il y a Pauline peut t'envoyer son iPhone 6. Ouais. J'ai le 4, du coup. Comment on s'organise? C'est perdu. Pauline, t'as fait perdre. Non. Je suis désolé parce que c'est un très beau cadeau. Non, je peux pas parce que c'est un iPhone 7 et je vais vous dire un truc. Vous êtes franchement des milliers et des milliers à nous appeler tous les matins au standard au 3916 et ce serait pas réglo non plus de l'offrir ma petite mode. Je t'aime d'amour, je vais te faire un beau cadeau, mais je peux pas l'offrir en vœu parce qu'il y a plein de gens qui espèrent le gagner et sinon après là on peut pas. Là je peux pas. Franchement je peux pas. On en offrira deux demain. Et vraiment, si je peux te donner un conseil à tous les gens qui m'écoutent, arrêtez de parier sur Pauline. Et même moi, je vous le dis en fait. Nico du bureau, personne ne parie dessus. On croit toujours qu'il aura la mauvaise réponse. Il a eu toutes les réponses depuis le début. Pauline, elle a fait perdre mes deux iPhone 7, un Magimix, deux Skoda pas clim. Elle a fait perdre mais tous les gens qui devaient gagner un cadeau grâce à Pauline, ils ont tout perdu. Je vous jure. Oh là là, je suis déçu ma petite botte, je te reprends au standard, je vais te faire un très très beau cadeau ma belle, merci d'avoir tenté ta chance. Vraiment, vous le savez, j'offre tous les cadeaux sur l'antenne, même les perdants en général, tout le monde gagne ici. Mais l'iPhone 7, faut aussi, voilà, si vous êtes tellement nombreux à vous inscrire, c'est normal que vous puissiez retenter votre chance. Deux iPhones à gagner demain. Oh là là. Il est bien ce jeu. Ah, j'adore. On va le refaire demain. Ben maintenant, on refait ça. Ah ouais. Ouais, Robin, on rigole bien parce qu'on sait, on est plus que Robin, notre réalisateur et moi. On est plus que là dans le studio et on sait sur qui parie. Moi, par exemple, quand je vois l'or sur le damier, je fais oula. Oula. Parce qu'attention, ils ont leur spécialité. L'or, tiens, je vais vous donner un petit indice pour vous qui vous inscrirez demain. Mmh. Nico, si tu devais donner sincèrement une de tes spécialités, ce serait quoi? Culture G, moi. Culture G. Génial. Non, mais jeu de culture G. Non, mais ciné, musique, etc. Genre Trivial Poursuite. Divertissement média. Ouais, voilà. Donc, on parle de camembert rose sur le Trivial Poursuite. Ouais, c'est très fort au rose et orange. Le sport. Ouais. Ah oui, sport est calé aussi. Ouais. Laure. Moi, je suis marron et rose. Littérature et cinéma, divertissement. Littérature, cinéma, divertissement. Très bien, Clément. Moi, géographie, je pense. Géographie, toi? Là où je suis le meilleur, je pense, ouais. Et c'est vrai, et on parie rarement sur Clément sur la géo, et il est très bon en géo. C'est vrai. Ginger, t'es bonne sur quoi, toi? Un peu tout, mais oubliez-moi. Plus physiquement, je suis pas mal non plus. Voilà, merci. Il est content. Non, c'est-à-dire, on s'enferme. Bah, c'est vrai que celle qui s'occupe des réseaux sociaux, mais sans blaguer, elle est vraiment passionnée de ça. Donc, ouais, tout ce qui est appli machin, dernier cri. Technologie, machin. Voilà. Oubliez-moi sur l'histoire, la géographie et le sport. Ça, genre, l'iPhone possible. 7, vraiment, vous voulez en parler deux heures et Ginger, elle connaît chaque détail du truc, problème, machin. Ouais. Elle pourrait elle-même faire la keynote à la place du gars. Gros délire, il a ça, c'est toujours bien pour ça. C'est clair. Et ma petite Pauline au standard. Mais moi, je suis sociable, j'aime beaucoup les gens. Il ne sert à rien. Prenez-la en pom-pom girl, mais max. Non, mais là, franchement, j'ai stressé. C'est horrible pour moi d'avoir fait perdre mode. Ouais. Après, il faut aussi expliquer que c'est comme dans les jeux télé. Des fois, on plaisante sur les candidats, moi le premier. Mais quand même, il faut expliquer que c'est vrai qu'avec le stress, tu peux dire des bêtises. Et surtout, tu te dis toujours, il y a un piège. Mais c'est ça, là, ça me paraît évident. C'est trop évident, je vais tomber dans le piège. Et je vais avoir l'air d'idiot. Et du coup, c'est là que ça marche pas. Non, mais j'ai fait des études littéraires et tout. C'est trop la honte, là. C'est vrai que quand même, en ayant des études littéraires. Mais oui, non, mais c'est horrible. C'est horrible. Oui, mais alors Montaigu, Capulet, il n'y a pas de piège, hein, c'est une chance sur deux. Hein. Ouais. Oui, bah, j'ai pas de chance. Vous le savez, pourtant. Je crois que j'ai le nez cassé. Ouais, il semblerait que je me sois cassé le nez. Tu sais que c'est sexy? Ouais, c'est sexy. Ah bon? C'est hyper sexy. Ouais, tu sais que ça fait mal aussi. Il y a un moment où moi j'ai choisi, comme le sport, hein. Si j'avais ce corps-là, c'est parce que j'ai choisi de pas souffrir. C'est moins sexy, mais je souffre moins. 2h05, les amis, on a passé une matinée géniale avec vous. Deux iPhone 7 à vous offrir demain. Bien sûr, on se rapproche encore. Demain, on sera à peine à J-2 de ces 50 ans de loyer. Vendredi matin, on vous fera le plus grand chèque jamais offert sur une radio en France. Vous vous rendez compte? Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Vous vous rendez compte? Et même le nez cassé. Même des côtes fêlées. Même une jambe en plate, je serai là vendredi. Vendredi 16 septembre, 8h20, pour vous faire cet énorme chèque. C'est fou quand même. Ouais. Oh là là, on est comme des dingues. On vous retrouve demain matin, dès 6h. On aura une question de ouf, je crois, l'Incrus. Exactement, quelle est votre citation préférée? Alors, ça peut être un grand auteur ou ça peut être une création. Voilà. J'adore. Qui ouvre une porte se pète le nez, j'en sais rien. J'ai pas ouvert, la porte était ouverte, je me suis tourné parce que j'étais au téléphone et mon téléphone aussi a un peu couvert l'impact, mais je l'ai pris, mais pleine tête. Aïe, aïe, aïe. Ah non, non, ça aurait pu être pire. On est pas bien. Ah oui. Oh mon dieu, maman. J'ai mal. Les amis, donc ça c'est la question de ouf. On a quoi d'autre demain? On se suit en podcast. Mais qu'on parle quand même. On reste en contact sur les réseaux sociaux et tout. Hashtag nez cassé. On verra demain. Je vous dirai demain dès 6h si mon nez est cassé. Oui, Nico du bureau. Est-ce que tu vas aller à l'infirmerie de Virgin Radio comme quand j'étais à l'école? Et on te met un petit truc dans le nez, tu sais, pour. Et c'est bien, ils te faisaient toujours faire des tests de vision. Tu sais pas pourquoi. T'étais tombé au foot, ils te faisaient quand même. Comment, tu vois le E là, 2 mètres? Oui, d'or. Nous à l'infirmerie, quoi que t'aies, elle te donnait un sucre avec de l'amande dessus. Elle, c'est un mojito, je crois. Je suis allé à l'école, mais en vrai, ils vous soignent au Morito, quoi. Elle a l'air sympa, ton école. Hein. Les amis, on se retrouve aussi, bien sûr, ce soir sur C8 en direct à partir de 18h10, 18h15 pour Il en pense quoi, Camille. Je vous fais plein de bisous, bisous, l'équipe. Bisous. Clément, tu voulais dire un dernier mot à la France? Non, je voulais juste savoir comment tu sais s'il est vraiment cassé ou pas, si vous avez des astuces. Ah ouais. Donnez-les-nous, parce qu'on va te soigner là tout de suite. Bah là, il saigne quand même beaucoup. Hein. Oh, non, mais là, j'ai très mal. Je pense qu'il est cassé. On verra. Écoutez, hashtag n'est cassé. On vous tiendra au courant de tout. Restez avec nous sur Virgin Radio, excellent réveil. C'est Pierre Alex maintenant jusqu'à midi qui vous accompagne avec le pop rock électro. Le temps de faire un dernier point sur l'actu. Des bisous les bichons, à demain, ciao. Bisous, bisous. Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous. 11 départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange aux orages violents. Des orages qui vont concerner toute la côte atlantique dès cet après-midi. Ailleurs, le temps restera ensoleillé et chaud. 29 degrés attendus à Caen et Marseille, 30 à Besançon, 33 à Angoulême et Paris. Ça va nettement baisser demain. Les syndicats d'Alstom de Belfort seront reçus au ministère de l'économie cet après-midi. Le gouvernement a pied d'œuvre pour tenter d'empêcher la fermeture de l'usine qui produit des locomotives. François Hollande a demandé à ses ministres de se mobiliser pour qu'il y ait plus de commandes. 400 emplois sont en jeu. Autre dossier brûlant, la fameuse jungle de Calais où s'entassent quelques 7000 migrants. Bernard Cazeneuve a promis l'évacuation progressive du site selon un document que s'est procuré le Figaro. Le ministère de l'Intérieur aurait validé la création de quelques 8000 places d'hébergement supplémentaire d'ici à la fin de l'année, répartie un peu partout en France. Retour au calme à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, où l'école Ninon-Vallin a été incendiée hier soir. À leur arrivée sur place, les pompiers et les policiers ont été accueillis par des jets de projectiles. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des bombes lacrymogènes afin de disperser une cinquantaine d'individus. L'école maternelle n'était plus utilisée depuis plusieurs mois. Il aura fallu 6 heures aux forces de l'ordre pour reprendre le contrôle total de la prison. Le centre pénitentiaire de Vivonne, près de Poitiers, théâtre d'une mutinerie hier soir. Après avoir subtilisé le trousseau de clés d'un gardien, des détenus ont déclenché plusieurs départs de feu. C'est un refus de permission de sortie d'un prisonnier qui aurait déclenché la mutinerie. Facebook, un remède anti-cafard, à en croire une étude américaine. Après avoir interrogé près de 2000 utilisateurs du réseau social de 91 pays, les chercheurs d'une université de Pittsburgh en sont arrivés à la conclusion que les likes et les commentaires positifs sur Facebook sont synonymes de bien-être. Un bonheur comparable à un mariage ou une naissance si l'on dépasse les 60 commentaires positifs en un mois. C'est le titre qui manque au PSG et c'est l'objectif de ses dirigeants, le trophée de la Ligue des Champions. Début de la compétition, ce soir, les Parisiens reçoivent les Anglais d'Arsenal à 20h45 au Parc des Princes. Les hommes de Unai Emery ne brillent pas sur le terrain pour l'instant, 7e de la Ligue 1, avec une défaite et un nul au compteur. Autres clubs français en lice, Lyon et Monaco qui joueront demain. Et puis 3 nouvelles médailles d'or pour la France hier aux Jeux Paralympiques de Rio, et pas des moindres. De l'or pour Marie-Amélie Le Fur sur 400 mètres, et puis de l'argent pour deux autres Françaises en haltérophilie et en tennis de table. Belle matinée, c'est Pierre-Alex qui vous accompagne. Angels sent from above, you know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a dream and love's a trust. Virgin Radio, bonne matinée avec Nash qui arrive. Oui, on va passer une très très belle matinée avec cette énorme star Nash qui a démarré sur Virgin Radio, tellement énorme star Virgin Radio, que ce sera l'invité de Lionel hein, dimanche soir 20h minuit dans le lab Virgin Radio avec un live exceptionnel, celui très très lourd qui se prépare. Nash qui va arriver donc pour démarrer la matinée tous ensemble. On aura également The Chainsmokers. Et la nouveauté Triple A, ne la cherchez pas ailleurs, c'est qui si nouveau Ziavner qui arrive sur Virgin Radio. Leclerc. Juliette, c'est toi qui m'as mis ça dans le chariot? Quoi, les déodorants compressés Dove? Ah bah, indispensable, maman. Tout petit, très efficace, idéal pour des aisselles plus belles, plus douces et une protection jusqu'à 48 heures. Tout ça dans ce truc tout petit? Oui, c'est le concept du compressé, maman. C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le lot de deux déodorants compressés Dove de 100 ml, plusieurs variétés au choix, avec 40% de réduction immédiate, est à 2,88€, soit 14,40€ le litre après réduction. Voir modalité dans les magasins participants, produits extrêmement inflammables. Et même le prix compressé? Mais que tu es drôle! Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon braquage! Renault Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. New music. Shawn Mendes. Come on. Vous allez l'entendre partout. La première radio qui vous l'a joué, c'est Virgin Radio. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you I need you right now. Yeah, I need you right now. première radio qui vous l'a joué. Virgin Radio. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai prié tellement de fois. Non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh oui. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. How deep is your love? How deep is your love?

And I'll never be her. Cette semaine, The Avener, You Belong et la nouveauté Triple A. You belong to the highest come on clean. Pull your heels from the farthest place and carry. Les meilleures découvertes. Electro. Sont sur Virgin Radio. To wake up or trace the plumb line to your death, your fantasy. What is love then? But to drag a dead deer by its horns from the passing way. Just to drive on, either to arrive or to escape, not to save someone. You belong to the cars come on to me. The farthest corner you've been in. You belong to us. You belong to the cars. You were on high. Now how long? We were young once. We were wilder in our boots. In a race to fame. Now we've dried up. We no longer have our youth to say. From the past day. Call me yours, we're born afraid. So carry on, carry all your desire to your friend, to my name, boys. You belong to the cars, come on, clean. Pull your heels from the farthest place and carry you. You belong to us, you belong to the cars. You were long time and no harm. You have held in your lungs too far. You were searching. I was purchasing a flight to an old bunk town, town, town. You belong to the cars, come on, clean. Pull your heels from the farthest place and carry you. You belong to us. You belong to the cars. You were long time and no harm. Je cherchais contre vents et marées une lumière pour enfin y voir. La nuit, le jour, non, rien n'a changé autour de moi. Et sous la lune, au ciel étoilé, non, rien si tu ne veux pas y croire. Un jour, la nuit aura tout changé au fond de toi. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Ouais. Est-ce que t'entends? Et sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Dis-le sous la pluie, au fil du temps, mon corps s'épuise, est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Combien de temps, comment vont fleurir nos jardins sous les fruits du hasard? N'as-tu vraiment aucun souvenir au fond de toi? Combien de pleurs, comment vont grandir nos rêves perdus dans ces milliards? Un jour la vie te fera sourire, juste la la la la ouais. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? s'épuise. Est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, tu ne sens même pas. Sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas. Juste là. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite. Est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Sous la pluie, au fil du temps, mon corps s'épuise. Est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite. Est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Sous la pluie, au fil du temps, mon corps s'épuise. Est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Virgin Radio, c'est tout simplement indispensable pour bien commencer la matinée. 40 minutes de pop rock électro non-stop arrivent, hein, peut-être au boulot, comme Justine qui nous écoute au bureau, connectée sur notre appli smartphone. Justine, toi, t'es une grande fan de Jane. Ah oui, totalement. Je l'ai découvert grâce à vous. C'était, je l'ai vu dans plein de festivals grâce à Virgin Radio. Et là, j'ai vraiment hâte de l'entendre. Eh ben, écoute ça. Suffit de demander. Jane qui arrive dans un instant avec Makeba avant 10h. On aura également 21 Pilots, Kungs. Et dis-moi, Justine, ça te dirait de passer un séjour de rêve à Cancun? Ah, mais là, carrément. Alors, oublie le boulot. Et écoute où tu vas peut-être partir grâce à Virgin Radio. Pump up the volume. Virgin Radio. Partez au Mexique avec Major Lazer. Major Lazer. 4 jours de fête, les pieds dans le sable. Au bord de la mer des Caraïbes. Hey, what's up? This is Major Lazer on Virgin Radio. Dès que vous entendez deux titres de Major Lazer, envoyez un SMS au 7-12-13, code Virgin Radio. Right. Décollez à deux, direction le Mexique. Pour assister au DJ set de Major Lazer face à la mer des Caraïbes. Virgin Radio est fan de Major Lazer. Le mois Carrefour. Il y a de nouvelles promotions renversantes avec le mois Carrefour. On y va? Jusqu'à lundi, pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Comme sur les tablettes lave-vaisselle Sun et encore plein d'autres produits de marque. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'était trop bien, on y retourne. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'au 19 septembre, sur de nombreux produits de marque, pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Valable sur les tablettes lave-vaisselle Sun, tout en 1x60. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Le magique anniversaire de But, c'est en ce moment. Le lave-linge Hublot 9 kg Indesit est à 279,99€ au lieu de 499,99€. 220€ d'économie, dont 20 en bon d'achat. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Voir conditions en magasin ou sur but.fr. Bon, je t'ai laissé du poulet dans le frigo. Mais tu vas où? Bah chez But. Sans moi? Non mais je rêve, mais attends-moi. Tout le monde prend des photos avec son smartphone. Mais les utilisateurs de Printic, eux, en font de vrais souvenirs. Avec Printic, imprimez vos photos depuis votre téléphone. Format vintage, carré, magnette déco, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Vite, rendez-vous sur l'appli Printic ou sur printic.fr. Actuellement, 25% de remise avec le code MAPHOTO. Printic, tes photos en 3 clics. En panne au milieu de nulle part. Et on fait quoi maintenant? Sers-toi ton appli Direct Assurance, voyons. Comme ça, on pourra se faire géolocaliser par la dépanneuse. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Bon, pas de panique, je vous envoie une dépanneuse dans l'heure, ne bougez pas. Et ça ne va rien vous coûter de plus. Ah, quelle super journée! C'est votre appli banque qui va être contente. En plus, en souscrivant chez Direct Assurance, vous pouvez économiser en moyenne 270€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. TF1. Ce soir, Blindspot, votre nouvelle série événement. Qui est cette mystérieuse jeune femme retrouvée amnésique, le corps entièrement recouvert de tatouages? Tous ces tatouages sont récents. Elle ne se rappelle plus qui elle est, ni d'où elle vient. Vous la connaissez? Non. Alors pourquoi votre nom est marqué sur son dos? Inédit, Blindspot, ce soir à 20h55 sur TF1. Il rentre dans la surface, il tire, et c'est le but! Avec la Total Sport à 35 euros par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Canal+ et beIN Sport. Avec ce soir, Paris Saint-Germain-Arsenal à 20h45 en exclusivité sur beIN Sport. Et demain, Tottenham-Monaco à 20h45 en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910. Service payant, 25 centimes la minute plus prix de l'appel. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, Canal Sat 100% Sport et beIN Sport. Intermarché crée l'exploit avec la perceuse visseuse sans fil la moins chère de France. En ce moment, à 29,90€ chez Intermarché. Les quantités sont limitées, alors n'attendez pas. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 16 000 pièces disponibles. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio, électrochoc. I'm gonna ride you. Go. Turn it up. Electroshock. Electro. Shock. We'll stand amongst my people. Feel love. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Are you ready? Maintenant. Maintenant sur Virgin Radio. 40 minutes. Pop. Pop. Rock. Electro. Non-stop. Non-stop. Stop. Virgin Radio. Soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight. Cause you are the real beauty of human rights. Ooh, it's my kebab, my kebab, my kebab, my kebab. Can I get a ooh, it's my kebab, makes my body dance for ya. Ooh, it's my kebab, my kebab, my kebab. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. A little smile, you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, it's my kebab, my kebab, my kebab. Can I get a ooh, it's my kebab, makes my body dance for ya. Ooh, it's my kebab, my kebab, my kebab. Virgin Radio. Okay. Hey, what's up? This is Major Lazer. LP. Richard Orlansky.